Bienvenue du coup sur cette troisième session de Terre sur l'Antexpress. Je laisse du coup le MJ parler. Gossed, c'est à toi. Eh bien, bonsoir mes très chers amis. Nous sommes donc repartis pour maintenant la troisième session de Terreur sur l'Orient Express. Et nous allons faire un petit résumé de ce qui s'était passé donc à la deuxième. Pour commencer, de votre côté, quels sont les souvenirs, quelles sont les informations que vous avez récupérées Pas décorché. J'ai fait mon sutra, mon mantra, mon truc. Ah là. Donc, nous avons dans cette session nos enquêteurs qui ont décidé de partir un peu chacun de leur côté. Dans un premier temps, nous avons que j'allais dire Xen, mais non, ce n'est pas Xen, c'est Peter T. Franklin qui a décidé de partir à la bibliothèque British Museum. Non, pas du British Museum. Lui est parti de l'Oriental Club. Le CDI. Il est parti à la bibliothèque de l'Oriental Club et malheureusement pour lui, il n'a pas vraiment récupéré d'informations intéressantes. Rentré brocouille, comme on dit dans le bouchon. Exactement. D'un autre côté, vous avez Catherine qui a décidé, elle, de partir plus sur le commissariat et essayer de glaner des informations sur ce qui s'est passé ces derniers temps et notamment sur ça c'était sur les trois corps qui ont été retrouvés qui étaient donc tous des Mehmet Makriyat. Tu as réussi du coup grâce à ton charme quelque part et aussi ta renommée avoir des informations sur ce qui s'est passé en échange d'un présent de par ta collection. Tu as offert quelque chose au lieutenant. Ouais. Et à l'inspecteur Fleming même, je dirais. Et il t'a dévoilé que les trois personnes avaient des télégrammes sur eux qui venaient donc qui ont été envoyés de Paris et qui ont été inscrits revenaient de toute urgence à Londres. Exactement, c'était oui. Retrouvez-moi à Londres, urgent, virgule, M, point. Voilà. Est-ce que tu as glané d'autres informations? Bien sûr, on avait les informations quant au cadavre, qui chacun était écorché vif à des membres différents. Le premier au torse, le deuxième au bras et le troisième aux jambes. Et du coup, ils sont actuellement, la police, en train d'enquêter sur l'identité de ces personnes-là, la vraie identité, hein, parce qu'on se doute bien qu'ils ne sont pas tous la même personne, et que pour l'instant, ça ne donne rien. Ce qui nous emmène du coup à pouvoir enquêter rapidement sur le magasin que tenait la personne dont je n'arrive pas à... Mehmet. Je vais l'écrire en phonétique, c'est plus simple pour moi. Hop, donc du coup, ouais, au magasin de Mehmet, à une rue que je ne saurais citer, parce que c'est imprononçable. Du coup, nous, on va devoir aller chercher par là, et j'ai aussi, moi, comme ultime piste, d'aller me renseigner à l'ambassade, voir si, chez les amis turcs, il y a eu particulièrement une activité, vu qu'apparemment, tous, plus ou moins, sont liés à cette affaire, sont turcs. Donc, voilà. Ensuite, nous avions... notre ami Emilio Durante, si. Qui lui avait décidé de partir justement voir la boutique de ce Mehmet Makriyat. J'ai réussi à trouver l'adresse et est allé voir sur place. Malheureusement, il a trouvé porte close. Et il a su, en allant à la boulangerie qui était juste à côté, que bien, ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas vu ce fameux Mehmet Makriyat à sa boulangerie. C'était un homme plutôt assez introverti qui ne partageait pas grand chose avec, avec les gens du quartier et que il n'y avait pas grand chose à gagner sur lui. Bon, il est quand même reparti avec une brioche, je crois. Je vais lui demander une chocolatine, mais je ne voulais pas trop. Ouais, non, mais ils ont pas tenté. De chocolatine à Londres, ça n'existe pas. Mais. Une bordel, brioche. T'as dit chocolatine. Donc, brioche. Brioche. Donc. Et ensuite, on finit avec notre très cher Nelson Bessborough, qui, lui, a décidé de partir à la bibliothèque du British Museum. Il a réussi à trouver. Des informations plutôt intéressantes. La première qui est que il aurait trouvé quelque chose qui s'apparenterait au simulacre du diable, un manuscrit qui lui se trouverait par contre à la Bibliothèque nationale de Paris. Et également parce qu'il a très bien cherché. Exactement, des parchemins, un parchemin de Sedefkar qui aurait, dont la dernière position connue serait à Constantinople dans le musée Topkapi. Constantinople, en Constantinople. Voilà, et donc le musée Topkapi. Et donc là, vous pourriez peut-être trouver ce fameux parchemin de Sedefkar. Par contre, en partant justement, il a fait l'heureuse rencontre avec une personne légèrement décédée qui aurait été légèrement déshydratée, légèrement écorchée, je dirais même, des pieds à la tête, qui l'a mis dans un état assez troublé, assez, je dirais. Bon, t'as eu du mal à encaisser hein, ce que t'as vu. Du coup, tu as été embarqué par la police. Alors, non pas parce que tu es soupçonné de meurtre, mais tout simplement parce que tu es le seul à avoir. Enfin, tu es le premier même à avoir eu affaire à cette personne. Donc, j'étais le premier à être témoin sur le lieu. Voilà. Et je me suis dégrisé à coup de moi-même. Et donc, et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, Catherine qui s'apprêtait à partir, a croisé au commissariat. Et vous vous êtes donc retrouvé devant le bureau de l'inspecteur Fleming. Et incroyable, c'est que et Peter T. Franklin et Emilio Duranti se sont retrouvés un peu plus tard dans ce même commissariat et vous avez et la bande des quatre est là de rouvrir. Exactement. J'en espère qu'Emilio soit derrière les barreaux, mais bon, apparemment c'est pour autre chose. Quoi ? Peut-être, hein, je sais pas. Je suis peut-être la personne la plus respectable de ce groupe. Bon, il s'avère que par la suite, vous arrivez à savoir que le commissaire vous donne l'information comme quoi sur la personne a été trouvé un petit parchemin. Il a la particularité justement d'être fait en peau humaine. Qui est particulièrement troublant, mais ça ne trouve pas plus Catherine que ça. Incroyable. Et sur ce parchemin est écrit Excuse-moi, du coup. Allez vous faire culer par là. Non, je vous prie. Il y a marqué. Donc, j'étais parti déjà sur une note de cette session-là, donc je l'avais pas sous les yeux. Nul ne refuse l'écorché. Nul ne refuse l'écorché, c'est ça. Voilà. Sur ce, vous êtes sur le point de partir du commissariat. Le commissaire, de façon assez surprenante, glisse un petit journal à notre très chère Catherine, qui, une fois arrivée, une fois dans les transports, une fois que vous décidez de partir dans votre chambre d'hôtel de l'hôtel Victoria, eh bien découvre ce fameux article sur une disparition plutôt surprenante. Qui nous dit quoi, mes chers amis? Je sais plus. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, je vais laisser les autres parler. Moi, si quelqu'un a juste le nom du document, Je sais pas si Xen est toujours là parce qu'il est figé dans une position. Ah, je l'ai pas remarqué. Figé. Xen a dit. Il a peut-être bugué. Excusez-moi, du coup, moi je vais ouvrir plein de documents, c'est génial, hein, on appelle ça. Note, parchemin en peau humaine, 2 points. Numéro 6. Alors, oui, voilà, là c'est ça. Un homme disparaît dans un nuage de fumée. En fait, merci beaucoup, Gassard, c'est ça. Que Henri Stanley, un homme de 41 ans, a disparu de façon assez surprenante. On parle d'une combustion spontanée. Quelque chose d'extrêmement rare. Du coup, il y a une enquête qui a été ouverte. Ce qui vous rapproche un peu de tout ça, c'est que cet homme, Henri Stanley, aurait acheté un train miniature à un certain Mehmet Akat. Qui paraît assez surprenant. Mmh. Et donc, vous avez décidé un peu plus tard, une fois arrivé sur les lieux. On part un peu en. J'essaye de faire mon mieux pour que ça reste cohérent. Donc, vous décidez tout simplement de vous reposer et que dans la nuit, vous partirez vers 4h du matin. Je crois qu'on est tombé d'accord. Attends. Le soir de l'hôtel où j'ai pris mon scotch en plein dans mon bad. Avec un bain, dans mon bain avec du scotch, on avait décidé ce soir-là, c'était après l'écorché, de partir le lendemain, matin. Le 4, dans la nuit. Dans la nuit, Oui, c'était vraiment l'idée le plus tôt possible. En fait, pour pas. Vous avez décidé d'y aller, pas la nuit même, parce que. Avant le lever du soleil, pour que vous ayez le moins de passage possible dans la rue, si je puis dire. Pour être discret, ouais. Voilà, pour être le plus discret. Donc là nous, c'est là où nous sommes maintenant, c'est-à-dire que vous vous êtes reposé, vous avez dormi du mieux que vous pouviez. De ton côté, Nelson, ta nuit a été un peu mauvaise, je dois dire, et constamment, cette vue d'un homme est complètement écorché en face de toi. Et tu n'es pas super au réveil. Hein, je dois le dire. Pour les autres. De quoi rigoler tous les matins, quand on voit un écorché comme ça. Pour les autres, ça va. Vous vous réveillez et qu'est-ce que vous faites? Moi justement je vais m'occuper un peu de Nelson parce que vu que j'ai l'air de plutôt bien encaisser, je pense que et que lui non. Je pense voilà essayer de d'avoir des gestes attendrissants pour le faire comprendre qu'il y a un soutien moral qui est là, tu vois, genre c'est plus symbolique qu'autre chose, qu'on peut pas faire grand chose, mais voilà, tu vois, genre être là, son petit soin. Simplement, voilà, du soutien. Je remercierais en disant que des trucs bien terre à terre, gentil, mademoiselle. Comme c'est charmant, tu vois, de petit. tout en politesse, tout en finesse. C'est pas de la drague. Non, oui, non, totalement. C'est juste un bon... Juste. Échange de procédés. C'est juste échange oui, de procédés. Vous pouvez voir que bah, dehors, c'est la nuit noire encore. Hein. Vous avez quelques personnes qui marchent un peu dans l'hôtel, mais ça reste très peu de vie. Même en penchant la tête à la fenêtre, t'es quasiment aucune calèche qui passe. C'est vraiment. Y a pas de raison. Voilà. C'est parfait. C'est ce qu'il nous fallait. Ouais. Pendant que Catherine essaye de réconforter un peu Nelson, moi je préparais un paquetage avec 2-3 ustensiles qui pourraient nous être utiles pour entrer un peu de force dans la boutique de Mehmet. D'accord. Vous prenez une petite collation avant de partir ou vous y allez comme ça? Oui, bah, le minimum ouais. De collation. Hein. De toute façon, je pense que moi ça fait partie de... Un truc léger, histoire de pas vomir de la bile, ouais. British breakfast. Okay. Non, ça c'est très lourd, le British breakfast. C'est très très... Un bon melon. De toute façon, vous devez savoir qu'à 4h du matin, honnêtement, il n'y a pas de petit-déj. Hein. Vous allez partir, ils vont pas vous servir le petit-déj à 4h du matin. Il y a l'hôtel ? À 4h du matin, on va dire que la plupart des gens, normalement, sont en train de dormir. Et c'est aussi pour ça que vous y allez à cette heure-ci. C'est pour éviter, justement, qu'on vous voit... On va voilà. Pas sortir les cuillères en argent, ouais. Voilà, donc... Et sur ce, donc, je présume qu'au bout d'un moment, vous partez sur les lieux. Oui. Vous arrivez à trouver une calèche dans le coin qui... D'ailleurs, le cocher était à moitié en train de dormir. Vous l'avez surpris. Écoutez, allez-y, je vous emmène. Et vous partez donc au 3 Brophy Lane à Eastington. Ouais, pas directement à l'adresse. Si notre but c'était discret, on le fait arrêter une rue avant, tu vois. Genre... Oui, enfin voilà. Vous allez dans le secteur, hein, ouais. Vous prétextez une adresse quelconque. Mais bon, voilà. Le cocher vous emmène, vous dépose, vous arrivez à une rue de là, et vous avancez pied. Donc c'est un quartier plutôt calme, pas forcément malsain ou quoi, hein, c'est un quartier standard, mais bon, la nuit c'est toujours un petit pincement, tu vois, vous voyez, bon, vous êtes un peu... De toute façon, c'est dans le mood, hein, c'est dans le, vous êtes un peu dans cet état d'esprit-là que, bah, il se passe des choses, donc vous êtes quand même vachement survivants, même si en soi, là, pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et donc, vous arrivez devant la fameuse boutique. De toute façon, toi, Emilio, tu reconnais les lieux, hein, tu es déjà venu. Et... vous arrivez donc devant cette boutique en briques sur deux niveaux. Devant la porte, bah, sur la porte, vous voyez la petite pancarte fermée. Maintenant, je vous laisse décider de ce que vous voulez faire. Essayer de toquer à la porte. Bon. Est-ce qu'on rentre par effraction du coup ? Bah oui, c'est le. C'était eh bien, but, du coup, hein. qui va s'occuper de ça ? Bah, moi ? Ouais, c'est ce que je pensais, hein, parce que c'est lui qui a pris l'outillage, tout ça. Puis bon, on connaît les gens de cette origine, ils sont forts. Hein. Oh putain ! On connaît bien les Français. Personne ne possède de rossignol ? Pas moi. C'est pas du modèle, hein. J'ai pas forcément dit que j'en non. avais, mais ouais. Quand je disais que je préparais un paquetage pour ça... Oui, on va dire que t'as pris un peu de quoi faire, pas forcément l'outillage, parce que tu le possèdes pas forcément avec toi, mais de quoi faire pour que ce soit des pinces... un crochet, voilà. Des trucs comme ça... Des aiguilles à couture. Bref, je tente tant bien que mal d'essayer de crocheter la serrure. Eh bien, du coup, tu vas nous faire un jet de crochetage. Tu l'as le crochetage, toi? Ah, mais non, pas du tout, en fait. Bah, non. je viens de voir, génial. Bon, alors, changement de plan. Est-ce que quelqu'un s'y connaît un minimum, hein? C'est quoi, crochetage alors? Oui, est-ce que quelqu'un a été un petit voyou dans sa vie, quoi? C'était la question. J'ai vu faire, c'est tout. Je saurais pas refaire. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un torchon, je vais taper dans la vitre. Voilà. Peter, dans ses films, n'aurait pas appris. Eh bien, dans ce cas-là, si tu le joues comme ça, on va faire intervenir ta chance. Oh. Voir si au moment où tu casses la vitre, parce que la vitre, tu vas la casser, hein, ça c'est une certitude. Mais si au moment où tu casses la vitre, est-ce que des gens vont entendre ou pas? Ou ils se blessent, hein. Ouais, non, déjà. C'est pour ça que je prends un torchon, c'est déjà pour amortir le choc et en plus faire moins de bruit possible, quoi. Il y a quand même la chance, hein. Le MJ. Ouais, non, mais ça, je comprends. Il va falloir que tu passes à la casserole. Hein. Allez, c'est beau! 18, c'est bon. Bravo. En fait, ce qui se passe, c'est que. C'est notre serrurier. On est à l'extérieur, on a oublié nos clés à l'intérieur, c'est notre serrurier. tu prends donc ce torchon et. En fait, tu l'as tellement bien fait, tu as visé exactement où il fallait, dans l'angle. Et ce que tu vois, c'est que quand tu tapes, en fait, la vitre se brise pas réellement. Il y a pas de, tu vois juste que ça se fend, et en fait, avec ta main, après, donc toujours avec le torchon, viens appuyer dessus pour faire tomber le carreau à l'intérieur du magasin, et donc ne faire quasiment aucun bruit parce que la vitre va tomber à l'intérieur. Voilà, limite de l'autre côté, tu as de la chance, il y a un tapis, la vitre tombe sur le tapis, pas de bruit. Que dalle, mais genre ninja. Donc, tu peux passer la main au niveau de la poignée, tu débloques de l'intérieur la porte et vous avez accès à la boutique de ce Mehmet Makria. Quand vous rentrez à l'intérieur, tu vois que donc cette pièce du rez-de-chaussée, c'est une pièce remplie de pièces d'artisanat, des choses dans des pièces en cuivre et en céramique, de porcelaine. Vous voyez que vous pouvez deviner un peu des trucs type égyptien, asiatique, perse, voilà, Moyen-Orient. Vous voyez des tapis aussi, et plein de petites reproductions de fresques. Et ben fouillons. Tout à fait. On va fouiller tout ça. On va mettre un petit désordre et puis voilà. Observons. Et vous voyez aussi que il y a un escalier qui mène à un étage. Ouais, je propose qu'on se disperse pas. On fait. Étape par étape. Étage par étage. Premier réflexe, pour couvrir notre venue, j'ouvre la caisse et je prends l'argent qu'il y a dedans. C'est ce que j'allais penser, tu vois. C'est juste un cambriolage de bas étage. Non, c'est pas avec faux. Avec mon corps massif, je me fais discret pour grimper par les escaliers, à l'étage. Étant donné que je sais pas ce qui m'attend là-haut. D'accord. Bah alors, du coup, alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, pour savoir ce que tu gagnes, littéralement, avec ton larcin, tu vas me faire un jet de chance. Parce que peut-être il n'y a rien dans la caisse. De toute façon, le but n'était pas de devenir riche, hein, le but était juste de couvrir nos arrêts. Oui, mais quelque part, il va quand même gagner des sous. Genre, Non, je veux qu'il jette l'argent. C'est d'entre nous, hein, je rappelle. Ta rose de billets. J'ai 46. Ah, t'as refait un succès. Ok, j'avais pas vu. Attends, bon. Ben écoute, quand tu ouvres, tu vois qu'il y a quelques piécettes, mais rien de bien extraordinaire. Hein, c'est du quelques shillings, je dirais, hein, au pire. De quoi se payer un sandwich au rat? Voilà, non, il est presque comme s'il était parti avec la grosse monnaie et que le reste, il avait laissé la... Quoique, en soi, des shillings, c'est pas dégueulasse, hein. Pas rien, en ce temps-là. Ce que vous allez faire, vous faites un peu le tour du rez-de-chaussée. Ouais. Et honnêtement, vous trouvez pas de choses vraiment intéressantes. À part des babioles, enfin des choses qui sont tout à fait normales dans ce genre de magasin. Du coup, toi, Nelson, tu es monté un peu avant les autres, c'est ce que j'ai bien compris. Ouais, de façon plutôt de façon gros cul massif vers les escaliers, tout discrètement, sans les faire craquer. De façon discrète. Il n'y a rien de dangereux à l'étage. Tu vois une pièce tout à fait très bien rangée, limite presque trop bien rangée. Tu vois que une pièce de quoi? Une pièce de monnaie? Et en fait, tu te rends compte que l'étage ce serait le domicile. En fait, ça fait plus un peu l'en bas, le magasin, l'étage, le domicile. Il y aurait eu de la façon dont tu vois le truc, ce serait qu'un seul homme a vécu là, que lui n'a vécu ici. Et que, il a, c'est vraiment vivoté, quoi. Tu vois, c'est pas. Il était là, mais c'est juste dormir, manger. Rangé, propre, les draps sont soignés, pliés, les couvertures, tout pareil. Écoute, tu vas me faire un jet de, on va dire, un jet de toc. Vas-y, fais-moi un jet de toc. Allez. Oh merde. Non. Ok. Pour toi, c'est une pièce, on va dire, propre. Je vois quand même que les draps, ils sont rangés, pliés, enfin, je sais pas. Non, je vois que c'est propre, franchement, c'est juste que tu dis, la personne, elle était là, juste de manger, dormir, basta. Les autres, vous faites quoi? Étage. Je carrière en rez-de-chaussée, on monte à étage, oui. Ouais, donc vous voyez déjà Nelson qui est en train d'un peu... Un truc. Faites-moi aussi un jet de toc, tous les trois. Et toujours de 1. C'est... Oh, succès majeur. Intéressant. Moi, je me sens parti pour rater mes jets, moi. On les coche quand ils sont ratés ou réussis, je m'en rappelle plus. C'est fois c'est... par ces scénarios, c'est quand ils sont réussis. D'accord. Du coup, donc là j'ai vu, c'était Catherine qui a réussi et Emilio aussi, c'est ça? Alors que les Peter, tu as loupé. Catherine et Emilio, quand vous avancez dans la pièce, vous voyez que. Un peu plus au fond, il y a un bureau. Et que. Il y a. Une bibliothèque. Aussi, juste à côté. Il y a zéro livre. En mode, vous avez quasiment une pièce. Qui est. Vide. En gros. C'est pas. Les gens. Le mec ne vit même pas là-dedans, quoi. C'est vraiment. Comme si le gars arrive, il loue un appartement et il met rien dedans, à part juste un bureau, un lit et une casserole. Hein. Qui en soi paraît un petit peu bizarre, quoi. Trop. d'habitude comme ça, enfin, c'est pas comme ça d'habitude, que il n'y a pas de bagages, il n'y a rien, il n'y a pas de vêtements, il n'y a rien du tout. Sauf un petit sac en cuir dont la poignée est arrachée. Et que tu vois que il y a des armoires et des tiroirs de la chambre qui sont aussi à moitié vides. Vous arrivez après à trouver en fait sur le bureau un livre de compte, un petit livre. Qui le trouve en premier, qui le voit? Ah bah là c'est Catherine. Ouais, elle est en train de se balader et puis. Allez-y, ma chère, vous avez un mental en acier, décryptez-nous le Necronomicon. Déjà, je fais remarquer tout ce qui a été dit précédemment, le fait que ça soit trop vide, qu'il manque des choses en bibliothèque, etc. etc. Après, bah, tout simplement, je demande si, voyant que c'est un livre de comptes, si l'un d'entre vous a étudié parmi son parcours de la comptabilité. J'ai quelques bases, mais malheureusement, sur des détails, je ne saurais être la plus précise. Donc, si jamais l'un d'entre vous, dans sa vie... Moi, je veux bien essayer. Bah, je compte là... Je connais certains types de comptabilité, mais celle-là, je ne sais pas si c'est vraiment un des comptes. Ouais, quand nous parlons de comptabilité, nous parlons de vraie comptabilité. Hein. Pas de juste savoir compter, mon cher Emilio. Un homme d'affaires. Bon, bah, écoutez, Peter, puisque vous proposez, allez-y. Je me fume une clope, là. Ouais, tu peux. Et ben, tu vois que... Je mets un peu ma cravate. Et je regarde ce livre de comptes. Eh bien, tu vas me faire un test de comptabilité. Ouais. Vous savez combien j'ai, les gars? Non. 5%. Mais t'es con, mais totalement con, cet homme. Tout le monde a 5%. Mais non, j'ai plus. Ah bah, tu le feras après. Mais je demande si quelqu'un s'y connaît un peu. Un peu. Je peux s'y connaître, moi aussi, hein, étant donné que je gère des terres et tout ça. Mais non, j'ai pas mieux que les 5. J'ai essayé d'impressionner Catherine. Oh, je suis très impressionné maintenant, dis donc. Ah, j'ai fait 69. Je sais pas si t'es impressionné, mais moi. Oh il y a de la moquette, ça tombe bien, tu vas pas te faire mal au genou. Je sais pas. Oh. Alors, si j'utilise combien de points de chance pour. Tu sais, il te le propose même pas. Hein. Non, tu peux essayer de. Tu peux essayer de non, faire un test de comptabilité. Pour juste pour l'aspect que j'essaye de regarder et faire mon intéressant, mais bon, je pense que tu devines très vite. Voyons non, mais que... après, je vais te dire que toi, tu prends le bouquin, quand tu regardes comme ça, tu vois bah, plein de tableaux avec des chiffres, des noms, plein de et là, voyons et que tu vois que c'est des suites d'achats, de ventes. Bon, bah, je donne ça. C'est un livre de compte. Voilà. Ouais, je le prends un peu avec dédain en mode d'accord. Bon, bah avec mes très très faibles bases, je vais voir si je vais pas pouvoir faire mieux. Hein. The secret of the chiffre. Non, merde, de peu en vrai. Allez, vas-y, je convertis. En vrai, j'ai 65, 13 points. Allez, vas-y. Après, si ça prouve, y a rien, mais c'est pas grave. Hein. Moi, ça me. Non, mais c'est de la compta aussi, c'est mon passé là qui parle. C'est Non, il y a toujours des trucs, hein, il y a toujours des mystères dans les traces de compta. Mais totalement, hein, pour faire de la des comptabilité, on nous apprend à faire des mystères. Donc du coup, 65 moins 13, est-ce qu'un génie peut m'éclairer, s'il vous plaît, parce que j'ai la flemme de compter. Attends, on parle de compta, c'est ton métier, tu nous demandes c'est quoi 65. Mais oui, parce que, encore une fois, la comptabilité, ça s'appelle pas compter combien. Merci. Ça s'appelle 52. Merci beaucoup. Voilà. J'ai utilisé mes points et du coup j'ai transformé ça en réussite mineure. Quand tu prends donc ce livre, tu feuillettes un petit peu et puis tu tombes sur quelque chose qui te saute aux yeux un peu. Que il aurait acheté. Oui. Bah, ouais, je... Petite question. Quand on réussit en dépensant des points, du coup, ça se coche ou ça... Non. Ou... D'accord. Non. Ok, merci. Vas-y, je t'écoute. Donc, quand tu tombes sur quelque chose qui te tique, tu vois, ça, tout de suite, ça te titille un petit peu. Prenez donc le livre, ma chère, on ira l'étudier si vous Là, tu tombes sur un achat qui a été fait il y a quelques mois, auparavant, d'un set de trains sur mesure de Wrightstone. Attends, je vais te l'écrire. Alors, hop. Que bon, bien sûr. Wrightstone. Tu me l'as écrit où? Là, dans le Discord. Ah, un Wrightstone. Je vois pas le Discord. Attends deux secondes. Ok, bah, si tu veux, je te l'écris dans l'autre. C'est bon, je l'ai. Vas-y. Et donc, Wrightstone. Et. Attends. Le truc, c'est que. Cache la vue. Allez, voilà. Auprès d'une de la succession de feu Randolph Alexis. De la succession. D'un certain, en fait, il aurait acheté ce train en fait, c'est un héritage qui un certain Randolph Alexis. Et donc ça a été mis en vente, hein, parce que du coup personne n'est preneur de ça, et donc lui il l'a acheté, mais c'était la succession d'une personne qui s'appelle Randolph Alexis. Ok, oui, tu as le prix du coup de cette succession de l'achat? Non, attends, je vais te dire ça un peu plus loin. Il aurait acheté bon, quelques livres, hein, pas énorme. Et donc tu vois que un peu plus loin, donc tu vois les ventes des derniers objets vendus, et que la dernière est le set de train, donc ce même set de train, à un certain Henry Stanley de Newington. Donc Henry comment? Henry Stanley. Stanley. Stanley, S-T-A-N-L-E-Y. Ouais, c'est bien ça, ouais. Donc il lui aurait vendu pour une livre. Ok. C'est beaucoup une livre. Tu m'as dit de. Oui, mais sachant qu'il en a acheté quelques livres, hein, déjà je vois pas la rentabilité. Ouais, enfin voilà. Bah, après, mais, non, mais il y a pas de souci. Hein, il fait ce qu'il veut de ses comptes. Voilà. Henry Stanley de. Alors c'est de Stoke Newington. Oh là là. On peut pas de faire ça Stoke, en France. Alors de Stoke. Alors S-T-O-K-E. Ouais, vas-y. Newington, N-E-W. Ouais. I-N-G-T-O-N. I-N-G-T-O-N. Merci beaucoup. Newington. Un cheval au crâne. Ouais. Vite, un docteur. Tu vois que, à part ça, que ces comptes sont parfaitement. Parfaitement bien fait que et que tu remarques qu'il n'a jamais acheté aucun train ni vendu de train avant cette fois-là. Ça n'est jamais arrivé avant. La première fois. Quand tu parles de train. Oui. Les chouchous. Oui, les petits trains. C'est un train technique. Oui, c'est un train. En miniature, d'accord. En miniature, oui. Alors, je rappelle, quand tu dis ça, monsieur Henry Stanley, âgé de 41 ans, oui. C'est celui qui est disparu par combustion spontanée. Oh. Ah bah ça après, moi je te... Oui, bien sûr, mais de toute façon, toutes ces informations, je le partage immédiatement, parce que j'ai aucune raison de le mentir. Donc Peter peut le faire remarquer, et très très bonne remarque, mon cher Peter. Vous voyez quand vous voulez, vous pouvez vraiment vous faire remarquer. À ce moment-là, qu'on me dit que Tatawin s'est fait combustionner, le même client qui a acheté le train miniature, je sors une flasque et je me rase de la gorge. Est-ce que tu trouves aussi les mêmes modèles de train pour un certain monsieur G. Temple Houston? Laisse d'abord Nelson finir et après je te réponds. Ah non, mais. Ouais, ah oui, d'accord, t'avais fini. Il voulait juste boire la gueule, ou juste un flasque de whisky. Je pensais qu'il y avait une suite. Genre, non. D'accord. Oui, bah du coup. Non, à part qu'il va finir la flasque et je vais attendre comme ça. Et je vais être tout flasque, ouais. Mais du coup, je regarde. Tu vas me faire un. Enfin, vous allez. Me faire, parce que j'imagine que tu partages un peu tout ça avec tout le monde. Vous allez tous me faire un test soit en histoire, soit en sciences occultes, si c'est vous qui voyez. Sciences occultes, tu dis science... C'est occultisme, c'est occultisme. Ça occultisme, oui. D'accord, oui, mais c'est pas la même chose, monsieur. Moi, je cherchais dans S et c'était dans. Ah, écoute, excuse-moi. Ah là là là, c'est là histoire là ou occultisme. Là j'ai le choix. Autant de chances de faire l'un que l'autre, alors je m'en fous un peu. Non, je peux pas ce soir jouer au dé. Arrête de me faire jouer au dé ce soir. Ouais, non, mais là, c'est. Non, j'ai pas le karma pour ça. Je m'y connais pas en histoire, je trouve pas ça intéressant. Je suis trop occupé à la mode, moi. L'histoire de la mode, ça s'enseigne pas. Ça, je le connais, l'histoire de la mode, mais pas l'histoire. Ouais. C'est-à-dire que je sais qui a créé les vêtements, la texture, etc. Mais par contre, si tu me demandes Charles de Gaulle. Eh non, mais c'est bon. Allez, la Miss, ça a réussi. Toi, t'as des doigts de fée, toi. Après, en vrai, ouais, Emilio est à 8 points sur 61. Je pourrais dépenser des points, mais bon, essaye, toi. Voilà. Ouais, déjà, voyons la fin. Et, il manque. Mais non, c'est bon, tout le monde a jeté, non? Tu l'as fait aussi? Ouais. Ouais, ah oui, tu l'as fait. Ah non, oh, putain. Non, attends. Mais non, t'as fait. Ah non, t'as fait compta, t'as fait. Mais oui, mais attends, mais en fait, parce qu'il a jeté le mot et pas le jet de dé, cet enfoiré. Je recommence. Balance le mot. Oui, mais dans tous les cas, voilà, c'était prévisible. Voilà. C'est bon, tu veux le faire, 43 points. C'est quoi 43 points? Ah ouais, j'ai d'accord. 2 points. Tu dépenses 8 points, Emilio? Ouais. Oui. Ok. Ben, je te laisse enlever tes 8 points dans ta case de chance. Ouais. Alors, que je me dirige donc là où je dois me diriger, c'est-à-dire là. Alors, c'est où ça? T'es où Bah oui, parce que je cherche les informations que je dois trouver. Que bien sûr elles sont bien cachées. Est-ce qu'on peut me dire vite fait si l'alerte d'eau fonctionne ou pas? Oui, tout à fait. Je les vois, Mourala, sur le côté. C'est juste que ça. Oui, c'est juste que ça apparaît pas sur le chat, mais je l'ai vu apparaître D'accord. Je te remerciais de la main, mais comme il y a un décalage entre le moment où ça apparaît, le moment où tu le fais, Moi, j'étais décalé, j'étais complètement ailleurs. Mais tout à fait, on a reçu ton don. Oui, donc du coup. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est Emilio. Le nom de Randolph Alexis te parle. Et en fait, tu te rappelles quand tu avais mentionné cette personne, alors probablement ton cher ami, qu'il avait lu un article par rapport à ça il y a très longtemps. Et tu sais que Randolph Alexis était quelqu'un qui était dans l'occulte, qui prêchait dans l'occulte. Et que il faisait partie de ces personnes qui étaient recherchées par la police. Il est lié à un ordre assez glauque, assez fermé, qui s'appellerait l'ordre hermétique de l'aube dorée. Oui, d'accord. Ainsi que à celui de l'ordre du crépuscule d'argent. Alors tu reprends à te rappeler de tout ça, parce que franchement, honnêtement, c'est pas quelque chose que tu avais vraiment écouté quand ton ami t'en a parlé. Mais tout ce que tu te rappelles, par contre, c'est que cette personne aurait disparu dans un accident de train en 1897, l'Express de Londres. Est-ce que tu peux répéter à quel truc il était lié, là, le fameux... L'aube dorée, le crépuscule d'argent. Voilà, l'ordre hermétique de l'aube dorée. Bon, si quelqu'un veut bien me l'écrire pour moi sur Discord, c'est gentil, merci. Ouais. J'abrège, hein. Oui, t'inquiète, autant que je comprends. Les deux ordres. 1890. Et le gars, il s'appelait Randolph Alexis. Randolph Alexis. Et du coup, question chiant de joueur, c'est quel train? Parce que. Le direct de Londres. L'express de Londres. Ah, moi, je veux les noms exacts, tu vois. En 1897. Ok, merci beaucoup, j'ai toutes les infos. Tu sais aussi que ce même Randolph avait un fils qui s'appelait Albert Alexis. Ah. Voilà. Après, tu es tout surpris quand même de savoir, rappel de ça, parce que c'est vraiment pas quelque chose que tu t'attendais à te rappeler. Mais le nom, ça t'a vraiment, tu vois. Vous en souvenez pas, vous, de cet homme? Oh là là. C'est comme si j'étais en colonie depuis hier. Là. Voyons. C'est nos compatriotes, pourtant, mon cher Nelson. Ouais, j'ai eu mon badge de castor là-bas. Ton badge de castor? Ouais. Le badge de basse-scout, quoi. Je vous dis juste comme ça, je suis légèrement groggy, à peine réveillé de la nuit, de l'obscur jour, mais à la bibliothèque. Il y a encore des bribes frémissantes d'horreur qui... pour ça que... À coup de flasque... whisky coquienne. Ça se dit pas, mais je te le dis. Sur ce, vous commencez, le temps s'écoule et vous voyez quand même le soleil qui commence à pointer. Vous commencez à entendre un peu le bruit des portes, des volets qui commencent à s'ouvrir à droite à gauche. Qu'est-ce que vous faites? On va pas partir comme ça, quoique. Si, est-ce qu'on part discrètement comme de simple, voilà. Mais ouais, en fait, ce que je voulais dire surtout, c'est ouais, il faut pas partir en courant comme des malfrats, quoi. Ah ok. C'est. Qui sort en premier? Question. Il y avait pas d'autre étage ni rien. On a fait normalement. Vous avez tout fait. Il y avait le rez-de-chaussée et l'étage. Je propose qu'on sorte peut-être un peu séparés ou. Enfin, je sais pas si on sort tous les quatre d'un coup. Ou... Je vous prierai, ma chère, de m'en joindre vers la sortie. Je vous ouvrirai la porte avant que je passe devant. Bah, il y a Emilio qui part devant. Emilio, il est parti devant? Ouais, Emilio part devant. Donc, Emilio, quand tu sors à l'arrache ou tu fais quand même attention? Je regarde quand même avant de sortir. S'il n'y a pas trop de. Honnêtement, tu regardes. Personne dans la rue. J'enlève la petite sonnette qu'il y a sur la porte, vraiment. Le papier pour petit truc. Clicking. Ok, d'accord, je vois. Ouais, j'enlève, je la dépose par terre. Et tire sans faire de bruit, en fait, littéralement. D'accord. Bah écoutez, j'estime que vous allez sortir les uns derrière les autres. Si effectivement il y a personne, on peut y aller tranquille. Mais il fallait juste que. Je sais pas. Après, on est 4 personnes, la police sait qu'on est 4, faut pas non plus. Après, c'est le commissaire qui nous a dit d'aller par là, mais. Oui, non, y'a pas. Et après, bon. C'était un wink-wink, quoi. Oui, pas de soucis. Oui, mais c'est ça. Du coup, oui. Je retrouve plus les aides de jeu, toutes les maps de cartes que tu nous as distribuées. C'est dans. Images et cartes. Voilà. J'ai cliqué partout sauf là. Ouais, du coup, vous sortez de la boutique. sans trop de problème, vous fermez la porte derrière vous. Et donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous êtes dans la rue. Peut-être aller vérifier sa nuitée. Parce qu'il y a... On a eu pas mal de nouvelles informations. Du coup, je vous sonde, mes chers amis. Est-ce que vous pensez qu'il est toujours intéressant que j'aille voir à l'embuscade l'embuscade, bien sûr, à l'ambassade. Ou est-ce que vous pensez qu'avec les nouvelles informations qu'on a, ça serait superflu? Moi, je pense qu'il faudrait faire confiance à notre lapsus révélateur. <C'est cher>. L'embuscade. Allons faire l'embuscade à l'ambassade. Non, plus sérieusement, actuellement tout nous dirige vers Paris de toute façon. Qu'avons-nous mis au jour aujourd'hui? Jusque-là, il y a eu une combustion instantanée d'un client qui aurait acheté une voiture de rail. Ouais. Quoi, de train. Et vous avez son adresse. C'est un londonien ou est-ce un bourgeois? Oui, c'est dans Londres, un peu dans un autre quartier. Donc c'est à Stoke Newington, puisque il est Catherine temps, un... je pense, parce que j'ai quand même acquis depuis. C'est comme si j'étais né à Angleterre. Il est temps de faire notre petit breakfast et ensuite. Un petit léger, hein, très très léger, hein. Sur le pouce, on va dire. Et on ira à l'adresse. Je suis d'accord, il faudra peut-être aller voir cette adresse et... Tout à fait, ouais. Peut-être des informations nécessaires et peut-être savoir un peu la tête de ces trains. Je suis aussi très curieux de voir ce modèle. Oui, je... Parfaitement d'accord. Le breakfast étant... Obligatoire. Non, le repas, c'est un prétexte. Un prétexte, c'est juste le prétexte comme ça, hein, du roleplay pour se mettre les idées en place. On n'est pas là au pied de la porte en train de dire on va là. Oui. Oh, de toute façon, on s'est éloigné, hein, ça c'est sûr. C'est pour marcher, tu vois. De toute façon, le MJ s'en fout, il regarde son truc. Bah oui, moi je vous laisse décider de ce que vous allez faire. Vous me dites que vous allez. Breakfaster. Breakfaster, donc vous retournez à votre hôtel. Et on prendra la voiture pour aller à l'adresse tout à l'heure. D'accord. Parce que là, il est un peu tôt et c'est pas très bien d'aller voir les gens aussitôt. On va passer pour quoi? Oui. Aller voir les gens tôt, parfois, pour leur mettre la pression, c'est y a rien de mieux. Donc. Mais bon, il est un peu disparu dans un nuage, le gars. Vous retrouvez à l'hôtel, vous commandez chacun un peu votre petit breakfast. Vous mais mettez non, un petit melon, peu depuis qu'il m'en a parlé celui-là. Pourquoi t'as parlé de melon quoi? J'ai envie de melon maintenant. vous mettez un peu à plat toutes vos informations que vous avez trouvées dernièrement, notamment ce fameux livre de comptes. Avec cette vente pour un certain Henry Stanley, qui s'avère être peut-être la même personne que le Henry Stanley dans le fameux article que vous avez. Même marqué dans l'article qu'il a reçu un train de la part de Mehmet. Ah bah oui, après ça peut être deux trains différents. C'est pas un train derrière. En tout cas, oui, il s'avère que c'est la même adresse, c'est la même personne. Voilà. Et coïncidence, je ne pense pas. Hein. Voilà. écoutez, moi sur ce, si vous n'avez rien de plus à dire, si vous voulez rien de plus à faire, nous pouvons d'ores et déjà nous rendre à cette adresse, à part si vous avez autre chose à faire. Non. Non. Eh bien, la voiture et hop, vous prenez la voiture. Ah, je prends une portion de velon avec moi, puis on y va. Vous arrivez donc devant cet hôtel, que c'est un hôtel. Alors, quand ils appellent hôtel, cette époque, ça peut être aussi, vous savez, un grand bâtiment avec des chambres, enfin des pièces, des petits appartements que vous louez. Voilà, donc. Quand vous arrivez en bas, vous avez une porte cochère, vous rentrez à l'intérieur et vous arrivez en fait. Vous arrivez devant un endroit où il y a marqué chambre à louer et vous tombez nez à nez avec la logeuse. Ah, Madame Hopkins. Voilà. Elle s'appelle Madame Constance Atkin, qui est en train de faire qui est en faire son petit ménage pendant que vous arrivez. Elle vous voit arriver et bon, bonjour, vous désireriez louer une chambre? Bonjour madame, bonjour. Vous êtes la logeuse? Oui. Ça m'étonne, je croyais que cette chambre, il y avait un de mes amis qui y habitait. Non mais j'en ai plusieurs, enfin votre ami, je ne sais pas qui c'est, mais j'ai plusieurs chambres, je n'ai pas une chambre à louer. Monsieur Stanley. Oh, Stanley. Stanley, Henri Stanley. Oui, non, je vois qui c'est, mais vous venez le voir? Oui. Parce que vous n'avez pas su ce qui s'est passé? Pardonnez-moi, je suis américain et je viens juste d'arriver. Pourquoi? Eh bien, il a disparu. La police est venue hier. On ne sait pas où il est. Je l'ai vu monter à sa chambre et après un cri, j'ai ouvert et il n'était plus là. Vous l'avez suivi? Vous l'avez... Ben non, comme son habitude, il m'a croisé. Il allait dans son escalier et à sa chambre, quelqu'un de très courtois, très toujours très poli, hein, et il est monté. Il avait l'air tout heureux. Je l'ai vu qu'il avait un train, un nécessaire de train avec lui. Hein, c'est sa passion, donc il était tout heureux. On aurait dit un petit enfant, il a son petit cadeau de Noël. C'est une passion qu'on partageait lui et moi. Justement, il voulait me présenter certains de ses modèles de train, mais pour ben, moi, je sais. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est monté et après, je n'ai plus jamais revu. Ah bah, pourtant, ça m'étonne pas... de lui. Ça m'étonne de lui. Pourtant, je suis resté devant ma loge, donc je l'aurais vu passer s'il était reparti, mais non. Et j'ai entendu un cri. Voilà, il est rentré vers 4 heures, il me semble, juste pour le thé, comme à son habitude. Il est. Et puis. Pardon. Oui, il est monté dans sa chambre, il devait être à 7 heures, et je vous dis après. Nouvelle. Et je vous dis, je ne l'ai pas vu repasser devant la loge. Il n'est pas. Pouvons-nous peut-être aller voir dans sa location? Peut-être trouvons-nous certainement l'endroit où il doit se trouver. De toute façon, je pense pas qu'il est parti. La police est venue. Hein, je sais pas. Ils ont fait une enquête. Je sais pas trop si je peux vous laisser monter chez lui. Je veux bien vous croire que vous êtes un ami, mais je ne vous connais pas. Est-ce que je suis présent sur les lieux? Ah oui, t'es à côté, vous êtes tout seul. Je peux intervenir et en gratifiant la bonne dame d'un bonjour. Bonjour, monsieur, vous êtes? Je vous... Oh, putain, c'est d'éviter ce genre de... Nelson Bessborough, c'est ça? Je vous avoue, j'ai pas les idées claires ce soir. Il n'y a pas de souci. Ouais. Oui, oui, monsieur Nelson, c'est écrit là. De chez Starbucks, évidemment. Ouais. Non, mais je sors une petite bourse bien, bien pesante et. Écoutez. Toute galanterie, tout plein de courtoisie, des bassesses, des trucs. Vous m'envoyez bien ravi. Tenez la clé, bon monsieur. Et elle te tend la clé. Heureusement qu'elle a pas d'honneur. Bon, vous me rendez les clés. Tu me laisses un peu trop de pattes. Hein. Vous me rendrez les clés juste après et évitez de casser quelque chose. Hein. S'il vous plaît. Merci, madame Klintz. Pas trop convaincante quand même. Hein. Ça marche, c'est des méthodes qui fonctionnent. C'est quoi cette méthode? Heureusement qu'on est en Angleterre parce que. Ah, en Italie, ça va passer comme ça. Hein. Ah, en vrai, c'est une méthode que moi qui me fait peur, j'ai toujours peur que la personne soit trop honorable, tu vois. Ouais, ça me rappelle. Ça... Pardon, excuse-moi. Ah, non, oui, vas-y. Ça me rappelle une histoire, c'était un général anglais qui disait que les Français se battent pour l'argent et les Anglais se battent pour l'honneur. Et il y a un corsaire de. Français, mais de comment ça s'appelle déjà en Bretagne, Saint-Malo. À Corsair Saint-Malo, il dit bah les gens se battent pour ce qui leur manque. Donc, ouais, non, mais c'était, je pense à l'époque quand tu réagissais par des lettres interposées et que tu envoies cette punchline, je pense que là t'es quand même fier. J'avoue, allez bien. Je suis italien, je n'ai pas d'honneur, que joli. Sur ce, vous voilà donc en possession de la clé. Elle vous fait bien comprendre de ne rien toucher, de ne rien prendre, s'il vous plaît. Vous vous dirigez donc dans sa chambre. Et je toque. Quoi ? Vous toquez et personne ne répond. La porte ne s'ouvre pas. C'est bon signe, du coup. Est-ce bien surprenant ? Est-ce que je voulais faire un jeu de toque ? Toque ? Okay. Oui, attends, parce que j'ai ma fille là qui est derrière. Ah, en soi, on peut arrêter l'horaire maintenant. La porte s'ouvre, que vous l'ouvrez avec votre clé, bien évidemment. Elle ne s'ouvre pas toute seule. Vous arrivez dans une chambre plutôt classique. Hein. Vous avez un lavabo où il n'y a pas accès à l'eau chaude. Vous comprenez très vite que c'est quelqu'un qui est célibataire, seul. Vous voyez que la pièce possède une porte à l'est et une fenêtre à l'ouest. Mmh. Que très rapidement. Vous rendez compte que oui, effectivement, cette personne adore les trains, que il y a des bouquins sur les trains partout, des images, des schémas, plein de trucs d'engrenage, des moteurs, des comme ça un peu partout. Vous avez des projets, même peut-être des trucs qui pense faire peut-être plus tard. Savoir s'il a une réelle maquette de paysage, comment on appelle ça, tu vois, avec des rails posés sur les paysages, des petits bonshommes, des petites baraques. Une maquette, quoi. Une grosse maquette, ouais. Bon. Là, dans la pièce, ouais, non. La pièce présente. Tu vois juste des. Alors, effectivement, tu vois un peu des maquettes des trains miniatures posées oui. Un peu à l'autre. Ça, et après, il n'y a pas. Ouais. Il n'y a pas la grosse maquette posée. La grosse maquette. La maquette, il faut savoir si c'était des trucs électriques normalement. Hein. Même si, tu as. Bizarrement, tu sens que. Il y a un endroit dans la pièce où les immeubles ont été poussés. Les immeubles ? Qu'il y a un grand espace vide. En fait. Bah écoute, je vais regarder. Je regarde par quelqu'un interstice derrière les meubles que je supposerais bouger. Et de toute façon, c'est clairement compris, je pense, parce que je bouge, je regarde, quoi, et je ziote. Et pire des cas, je demanderai un coup de main pour si jamais le meuble est trop lourd pour moi pour placer un peu. De quoi tu me dis, attends. Pour y voir mieux. Regardez derrière le meuble, les meubles supposés bouger, déplacer. Et au pire des cas, demander un coup de main si le meuble est trop lourd pour pouvoir le déplacer. Regarder. Non, alors là, quand je te dis des meubles qui sont déplacés, bon, c'est clairement pas une bibliothèque, quoi. C'est plus genre la table ou une chaise, comme si quelqu'un avait fait de la place, tu vois. Plus de la place et qu'il y a un espace un peu vide, un peu comme s'il manquait pour toi quelque chose. à cet endroit-là, tu vois. Tâtonne. Il faudra qu'on regarde de toute façon sur la... On ouvrant la porte derrière, c'est pas une toilette privée. Je tâtonne du pied, voir s'il n'y a pas des planchers creux. Un coin de plancher creux. Quand tu tâtonnes tout ça, tu... Enfin, le mec de l'étage en dessous, il va venir, tu sais. Ouais, t'as pas fini, toi, ton métal, hein. Non, non, tu vois pas, tu ne sens pas forcément de faux plancher ou voilà. Oui, Catherine. Est-ce que du coup cette place libre est très volumineuse ou genre par hasard la taille par exemple d'une maquette de train On va c'est dire genre énorme, que, tu vois, genre c'est genre peut-être de la taille d'une maquette de chemin de rail. Que est ce qu'évoquait Nelson. Peut-être, hein, ça pourrait être ça, mais c'est pas forcément oui. Ça, mais ça pourrait l'être. Oui, mais du coup, c'est pas par exemple un énorme meuble qui manquerait, je veux dire, c'est. Non. Ouais. D'ailleurs, vous remarquez déjà qu'il y a une odeur assez spéciale dans la pièce, que ça sent un peu le soufre. Bah oui, mais c'est parti en fumée. Vous hein. remarquez aussi une fine couche de suie. Sur le dessus de certains objets dans la pièce et ainsi que des traces noires au plafond et que ces traces vont du nord-ouest au sud-est. Nord-est, très précis. Sud-ouest. Ouais, du nord-ouest pardon au sud-est. Ça proviendrait donc de la fenêtre nord-ouest. Vers la porte. Au sud-est. Ça proviendrait de la fenêtre vers la porte. Et vous savez que bon après ce que j'ai pas tout dit, mais que selon ce que vous a dit Madame Atkins, Henry Stanley ne fumait pas. Après aussi, aussi il fumait. Il fumait il très fumé. Bien. Honnêtement, cette histoire de combustion spontanée, je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ce font une personne qui disparaît totalement. Enfin, c'est quand même assez louche. Il y a déjà eu des cas ou pas? Ouais, c'est ce que disait l'article. C'est que le dernier cas connu c'était en 1919. Un certain Dad for Kent. Maintenant la question c'est est-ce que vu qu'on est censé toucher à l'occulte, est-ce que finalement ça serait possible ou est-ce que ça serait pas une mise en scène finalement de quelqu'un remarquez... qui devrait partir vu qu'il y a les traces noires qui ont l'air de traverser vous remarquez que à certains endroits de la pièce le papier peint est gondolé aussi par endroit oui. Gondolé c'est un peu en cloque, ça fait des cloques oui, un peu oui, Alors, vous allez me faire tous un jet de toc. Vous allez tous faire un jet de toc, s'il vous plaît. Putain. Oh. Oh. Ah. Elle est où ma feuille? Génial. Oh. Oh. Non, j'ai cru que c'était 100. On aime bien les 90 et quelqu'un. Alors, attends, moi alors, j'ai fait combien 90. Oh, j'ai fait 20, je suis content. Bon. Alors, Nelson, clairement, pour toi, cette tout pièce... Est, tout est bien. Cette pièce est parfaitement normale. C'est propre et passé par là. Tu trouves... Et son analyse Pontex aussi. Tu pourrais penser que toute personne qui trouve cette pièce suspecte a vraiment un problème. Un gros menteur, un gros mytho. Eh bien, il s'avère que Catherine est vraiment la seule à avoir un gros problème. T'es maniaque, ma chérie. T'es maniaque. Elle trouve... Il y a de la poussière. Ah, il y a une poussière, là. Elle trouve, justement, il y a quelque chose... Tu vas t'évanouir. qui la gêne vraiment. Ça me gêne vraiment. Tu remarques... Catherine. Que... Il y a de longues taches parallèles sur le motif floral du tapis, donc tu as le tapis de la baraque, que tu as des longues taches parallèles. Elles sont aussi orientées donc nord-ouest au sud-est. Et tu vas... Alors attends. Un test de connaissance. Connaissance. Quoi, ce test de connaissance? Mais quelle connaissance voulez-vous que je... Bah ouais, c'est ça. Faites un test réussi de connaissance. Ok. Alors, si mais j'ai le choix... Non, mais attends. Tu as fait un succès majeur. Oui. Alors, on va non, connaissance, c'est éducation. Mais il est fort. Ouais, mais elle a fait je vais pas se prendre la tête. Elle a fait un succès majeur. Faut que ça serve à quelque chose. Donc, okay. Moi, ça me tu va. Vas... en fait, tu tiques en fait en regardant les maquettes qui vous entourent un peu partout, que ces traces au sol sont mais parfaitement parallèles et l'écart en fait entre les trucs te fait penser en fait à... Ça correspond parfaitement à la largeur des rails de chemin de fer. Parfaitement. Autant dans le futur, il a dépassé les 80 miles à l'heure. Je pense que tout ne conduit à l'Orient Express. Pour l'instant, tu es la seule à savoir ça, évidemment, puisque tu es dans ta tête en train de réfléchir. Mais voilà, c'est... Ça te surprend. Tu veux vraiment te dire, mais... Il y a un train qui est passé là-dedans. Ça fait un quart d'heure qu'on est dans cette scène. Ça fait une demi-heure que j'ai déjà imaginé la scène du train miniature hanté où le gars il s'est réincarné dedans, qu'il a disparu, machin. Déjà dans l'horreur, mec. Sur ce, je fais part de ces découvertes, hein, bien entendu. Celle-ci. Ouais. celle-ci. Oui. Bon. J'ai pas en doute vos... Vos trucs, bon, ça me paraît aussi parallèle, mais bon, c'est qu'un pur hasard. Hein. Non, ouais, moi, mais... j'ai rien vu, moi, de toute façon, tout est propre. Hein. Excusez-moi, mais on ne fait pas des choses totalement parallèles par hasard. Si vous avez. Non. Ah, le nombre d'or, c'est quelque chose de présent dans la nature, pourquoi pas. Et ça veut pas dire que c'est là par hasard. Hein. La nature ne n'agit pas par hasard, je vous prie. Quelqu'un a pu mettre ses cendres pour faire des traces bien parallèles. Qui, apparemment, depuis le départ de notre cher Henry. Henry. Parce qu'il est anglais. depuis la disparition d'Henry, il n'y a que la police qui est venue ici. Pourquoi il serait amusé à mettre en parallèle les traces Il y a suspecté. Je vais quand même chercher dans le bureau s'il n'y aurait pas des messages, télégrammes ou n'importe. Je toque à la porte est et demande un bénévole volontaire ou un désigné volontaire de bien vouloir ouvrir, jeter, regarder, je sais pas. Qu'est-ce qui se pourrait, j'ai vu assez d'horreur. Qui veut aller ouvrir cette porte? Oui, moi j'ai toqué juste là. Dites-moi si c'est propre à côté derrière. Si tu ouvres la porte, tu vois que c'est un cabinet. Un cabinet de toilette? Oui. D'accord. Voilà. Voilà. clap de fin. Le cabinet de l'horreur. MJ, moi je voudrais fouiller son bureau s'il n'y aurait pas des messages ou des télégrammes dessus. Bah écoute, tu prends le temps de fouiller son bureau et mis à part des notes sur les trains. Vrington. S'il y a des notes dessus, je suis preneur. Et moi, je veux voir s'il est là le modèle Vrington. Est-ce que il y a un truc Bah non. En fait, vous allez chercher, vous ne trouvez rien du tout. Moi, j'aimerais bien aller voir la logeuse en vrai. Alors, juste, je vais faire tirer un jet à monsieur Peter. Tu veux me faire un jet de toc? J'aime bien toquer. Vas-y, toc. Et voilà, c'est réussi. Eh bien, en fouillant dans les papiers, tu tombes sur un article sur ce fameux train. Et tu te rends compte que ce train, en fait, est la copie d'un train qui aurait comment dire, qui aurait vraiment existé et qui en 1897 qui s'appelle qui est la copie de l'Express de Londres qui en 1897 aurait eu un accident et aurait déraillé. Et une partie donc de ce train est tombée dans l'eau. Il a complètement déraillé dans l'eau. La police a cherché ressortir le train et le plus grand la plus grande stupéfaction, enfin on ne sait pas comment, le plus grand des mystères. Tout le train a été retrouvé, sauf la motrice. Et les deux premiers wagons. Et là, tu as la motrice, le tendeur. Donc le tendeur, c'est là où il y a tout le charbon, voilà, et les deux premiers wagons. Tout ça est manquant. Ils n'ont jamais retrouvé. Le chariot charbon et la loco. Quoi. La loco. Ça, c'est la partie motrice. D'accord. Motrice, tendeur, deux premiers wagons. Voilà. Disons que l'histoire de ce train n'est pas banale, hein. Et je tends le papier sur lequel j'ai trouvé à Emilio. Et voilà. Je passe la faute, quoi. Et dans ce cas-là, au même moment, tu vois que Emilio qui reçoit le papier le regarde un petit peu. Et toi, tu décides justement de descendre pour voir la logeuse. Mais non, reviens, j'ai une question à te poser. Ah, bon, elle te rattrape. Oui, mais vu qu'il y a une information qui vient de tourner, parce que là, littéralement, là, le truc, c'est il prend le papier, puis il se casse. je m'en fous, je voulais aller parler. Excuse-moi, en fait, j'avais carrément oublié que t'allais partir, donc je le donne plutôt à Catherine, qui est encore présente dans la pièce. Tout à fait, mais le truc, c'est que, genre, juste du coup, vu que il est là, vu que c'est lui qui connaît la fameuse histoire de Rodolphe Alexis, que nous, on connaissait pas jusqu'à présent. Tu dis qu'il est mort en 1890, mais il est mort en 1890 ou dans les années 90? Non, en 97. 97. Ah, 97, ok. Je oui, bah du coup, 90, en fait, du coup. Mais je sais pas, moi j'ai eu 90. C'est de ma faute. T'as pas dû entendre le. Ouais. 17, obligé 97. Non, mais ok, mais du coup, voilà. Bon, bah, du coup, il était dans ce train. C'est triste pour lui. Bah oui. Ouais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que Emilio, tu vas descendre. Les gens, vous allez couper vos casques. Que on va essayer quand même de faire un peu. De... Moi, si je coupe mon micro. Oui, c'est pour ça que. Il va sauter. Et ben, enlève ton casque alors. Pas grave. Tu fais physiquement enlever le casque. Physiquement, je vais l'enlever. Je coupe mon micro de mon pilote, de mon driver, comme ça, il saute pas. Alors, Emilio. Tu redescends et tu veux reparler à la logeuse. Donc je te laisse. Ah, tu vois la logeuse qui est en train de passer son balai encore. Et oui, monsieur, que se passe-t-il? Un problème? Oui, excusez-moi. Parti avec mes amis, mais justement, dans un club de fans fête de train. Et comme vous savez, votre locataire en faisait partie lui aussi. Nous nous rejoignons, nous parlons notamment de sujets de locomotive et tout ça. Et le fait qu'il soit absent nous inquiète très fortement, car c'est proche et tout ça. Nous voulions savoir s'il avait des habitudes spéciales, sortir tard la nuit, vous entendre peut-être des bruits, dormait peut-être pas trop, ce genre de choses. Oh non. C'est quelqu'un de assez carré dans sa vie, hein. plutôt très bien réglé, hein. On a ses petites habitudes, donc non, il sortait en journée. Je sais qu'il faisait partie d'un club de, vous savez, les gens qui aiment bien les trains là, oui. Comment ça s'appelle, mais et après club, peut-être. Non, c'est pas ça. C'est pas. C'est parce que c'est l'Oriental Club, mais. Non, c'est un club pour des gens qui aiment le train, quoi. Une association, peut-être, je ne sais pas. Et donc, il se retrouverait là-bas avec ses autres personnes. Et puis, ben, après, bon, il devait avoir son travail aussi, hein, je présume. Mais, et puis, il rentrait tous les jours à la même heure. Quelqu'un de très discret, hein, vous savez. Très, très... pour toi, mais bon, après, vous voyez, à son âge, être seul, bon, un peu triste quand même. Mm. Il devrait déjà être marié, hein, cet homme, mais voilà. Mais non, après, je sais que la police est venue, ils ont enquêté, ils ont emmené bah, son train là qu'il avait acheté et une maquette aussi qu'ils ont emmené au commissariat. Qu'ils ont dit qu'ils allaient vérifier si c'était pas le train qui avait fait l'incendie dans sa chambre. Donc ils ont tout emmené. D'accord. Mais c'est tout ce que je peux vous dire maintenant. Voilà, allez voir la police, hein. Peut-être. Il avait l'air différent quand il est revenu avec cette maquette et ce train. D'ailleurs. Ah bah il était tout content, comme un gamin. Mais est-ce que ses anciennes maquettes, ses anciens trains qu'il recevait, il était comme ça aussi ou... Ah bah oui, à chaque fois qu'il avait un train, il était comme un, d'accord, comme un gamin, quoi. Il n'était pas plus content que d'habitude. Enfin bon, vous savez, les maquettes, c'est pour les enfants. Je sais pas, il a passé l'âge, hein, de ce chose-là. Ah, vous savez, certains hommes sont passionnés par la chasse et d'autres, c'est par les trains. Oui, enfin bon. C'est un jouet, hein. Voilà. Enfin hein, bref, voilà. Non, il était pas plus que d'habitude, hein. Mm. Mais voilà, je sais que la police est partie avec sa maquette et avec son train. C'est tout ce que je pourrais vous dire, monsieur. D'accord. Merci beaucoup. Bon, vous touchez à rien, hein, vous prenez. Ah rien, non, hein. Non, vous inquiétez pas. Ah, d'accord. Bon ben. Je vais rejoindre mes amis. D'accord. Et je les rejoins. Ok, tu les rejoins et ils vont revenir. Un jour, peut-être. Peut-être, un jour. Qui sait ? Ils ne voient rien. Terrible. En attendant, je me fais des rails de coq. Fume un peu d'opium et tout ça, tranquille, vu qu'il n'y a personne. On plus maintenant. Tu vas faire à la Maillard, tu sais, genre. Ouais, ouais. Ah bah ouais, c'est bon. Bah ouais, mais il nous en manque un, et Catherine est partie se faire une petite toilette. Dans justement. Ah. Je suis un thé. Casque ! Casque ! Bon, on l'attend. Moi, j'aime bien faire mes petites notes comme ça, j'ai l'air d'un vrai enquêteur. Je suis très fier. On va donner un petit peu de temps. Ah, ça y est, Catherine est revenue. Donc, sur ce, de votre côté, pendant que vous débattiez sur la possibilité ou pas de quelque chose qui soit possible de rail, de vrai rail dans un appartement, Emilio, lui, est descendu. Et le voilà revenu. Oh, il est resté 10 minutes, hein, ça a été très rapide. Et le voilà revenu dans la pièce. Bon. Le train, enfin, la maquette, tout ça, là, qui devrait être place là, sur le milieu de la pièce, là. C'est la police qui est venue lors de la perquisition et l'a emportée avec elle. J'ai demandé à la logeuse, et d'après elle, il n'avait pas vraiment d'activité spéciale qui pourrait l'avoir alerté durant la nuit. Pas vraiment de truc illégal. Quoi. Un mec très carré, tout ça. Elle faisait part de son inquiétude vu qu'il était quand même assez dans ses trajets, mais seul à cet âge-là, c'est problématique. Mais il y avait autre chose aussi, c'était qu'il faisait partie normalement d'un club passionné de train. Et du coup, je me suis présenté à elle, j'ai dit que nous faisions partie de ce club-là. Voilà. Nous avons tous notre capitaine. Sans savoir qu'elle savait qu'il faisait partie d'un club de passionnés de train. Du coup, elle a peut-être fait le rapprochement entre nous et ce... Enfin, ce club, bref, voilà. Et vous avez le nom du club ? Bah, j'ai pas demandé le nom du club où je devrais... Ouais, forcément, oui. Mais ça aurait pu être glissé à notre avantage. Par contre, la police l'a peut-être. Ouais. De toute façon, je pense essayer mes chances, du coup, en retournant voir l'inspecteur Fleming. Si par chance, il fait partie de ceux qui ont géré la recherche ici, il pourrait facilement me donner, je pense, des informations. Étant donné que c'est... Je pense potentiellement un bon contact vu le rapport qu'on a eu la première fois. Ah oui. Pas ce genre de rapport, je vous prie. L'ouest, là où est la fenêtre, où est-ce que ça donne ? Est-ce que ça donne sur la Tamise ? Le mec. Donne sur, peut-être, hein, je sais pas. Non, honnêtement, quand vous regardez, il n'y a pas spécialement de... C'est une vue, ça donne limite sur un autre mur, quoi. Enfin, un autre bâtiment, mais... D'accord. Voilà. C'est... Il y a des escaliers sur la bordure du mur, ce genre de choses-là. Pour des escaliers que... Oui. Non, c'est Londres, c'est pas New York. Oui, non, mais on sait jamais. Non. Genre, en gros, le seul moyen de quitter cette pièce... Et de quitter le bâtiment, enfin le c'est de repasser par l'entrée. On n'est pas en rez-de-chaussée. Là où vous êtes arrivé. Il ne peut pas. À la fenêtre en bas, c'est une grande rue, c'est une petite rue, c'est genre piétonne ou véhicule. C'est une ruelle, ruelle. Je pense qu'avec des collaborateurs, il n'est pas impossible de prévoir une telle sortie. Après, c'est vrai que ça demanderait peut-être du matériel et ce genre de choses. Pour passer par la fenêtre. On est à quel étage d'ailleurs, réellement parce que je suppose ça à étage. Ouais, là, c'est deux étages à peu près. Ok, ouais. Il y a de la verdure en bas ou pas? C'est du gravier, enfin. D'accord, ok. Il aurait pu avoir un petit jardin, un truc comme ça. Non, mais. Enfin bon, est-ce que vous pensez qu'on a fini avec cet endroit ou est-ce qu'on essaie de fouiller un peu plus au cas où? Si on reste plus longtemps, je vais utiliser les toilettes, ouais. quelle sombre destinée, dis donc. C'est quoi? La sombre destinée d'aller dans les toilettes, tu sais. Je sais pas. Quelle vie de merde. Du coup, vous quittez les lieux, vous remerciez la dame, et vous... Ouais, je quitte la sombre destinée. Faut rendre les clés, je suppose, on peut pas les garder. Ah oui, bah, effectivement, de toute façon, vous la voyez, elle vous voit passer, elle a la main... Et vous redis, vous avez rien pris, j'espère. Mais tout à fait, je vais vérifier, hein. Tout à fait, ma bonne dame. Bon. Vous m'avez rien pris, madame. Puis nettoyer les traces peut-être au sol, je ne sais pas. Ouais. écoutez, j'avais fait le ménage pourtant, hein, mais... Voilà, moi, je vais essayer de nettoyer, mais... C'est pas facile de reprendre tout ça. J'aimerais bien vous y voir, moi. Enfin bon, soit. Bref... Donc vous repartez, vous dirigez donc au commissariat, vous retournez voir l'inspecteur Fleming. On se sépare en 4 groupes de 1. Ok, donc sur ce, tous au commissariat. Vous retournez au commissariat. Ouais. Au commissariat, en fait, l'inspecteur Fleming vous dit que c'est pas lui qui est en charge de l'enquête, mais il connaît la personne qui s'en occupe. Mais il nous aide. Eh oui, il va vous aider parce qu'il est sympa et que tu lui offres quand même du matos pour ta femme, donc ça lui fait plaisir. C'est quoi ce petit clin d'œil? Il vous dit que honnêtement, selon les dires de son collègue qui est en charge de l'enquête, pour lui c'est une vulgaire mise en scène. Pour échapper à je ne sais quelle chose, pour lui, l'affaire est classée. Ça se trouve, le gars, il est à Babelouel-les-Bains. Ils ont vérifié la maquette ainsi que la miniature, voir s'il n'y avait aucun défaut électrique. Par contre, ils ont demandé, donc c'est pas eux qui l'ont fait, s'ils ont demandé à son club de Ferrovipat. Pardon, vous avez dit ferrovie. Ferrovipat. Que c'est eux qui. On a, les ferrovipat sont les passionnés de maquettes. Les psychopathes du ferroviaire. Train. Exactement. Voilà. Ceci dit, Belle-Ouest-les-Bains est un village de 1 habitant. C'est écrit sur Wikipédia. Donc, il te dit que ça a été envoyé au siège de l'association. Qui est chez un certain Arthur Butter. Ouais. Arthur Butter. Arthur, ça va aller. Butter, B-U-T-E-R. Ouais, ouais. À Camberwell. Camberwell. Alors, je vais le faire à la Camberwell. Camberwell. Avec deux L, j'espère. Camberwell avec deux E. Ouais, bon, c'est ce que je sais. E-E-L. Eh, je suis pas si mauvais. Hein. Ok. Ok, encore une nouvelle personne. Voilà, putain. Donc là-bas, vous trouverez la maquette et le train miniature. Mais honnêtement, pour eux, c'est de l'histoire. Enfin, c'est juste. Ça fait des choux gras, ça fait jaser les gens. Mais pour eux, l'histoire est clairement réglée. On peut pas s'amuser à gratter plus, ils ont autre chose à faire. C'est naturel. Donc voilà. Donc même la maquette, limite, si l'amicale des ferrovipates veut la garder, il la garde. Tout à fait. Il faudrait jeter au moins, ne serait-ce qu'un œil sur la miniature disparue. Tout à fait. Ouais. Bah, c'est ce qu'on va faire. On va aller voir Arthur Butter et. Il n'y a pas des traces des trucs. Tout à fait. Un tout petit mini parchemin qui tiendrait dans un pigeon voyageur, par exemple. Mais écoutez, sur ce, vous vous déplacez directement parce que là, on va dire que il est à peu près 13h. On a la voiture et le pilote. Vous vous dirigez donc chez ce fameux Arthur Butter à Camberwell. Quand vous arrivez sur les lieux, c'est lui-même qui vous ouvre. Bonjour messieurs, que puis-je pour vous ? Je m'avance. Vous êtes monsieur Arthur Butler ? Oui, c'est moi-même. Qui ai-je l'honneur ? Peter T. Franklin. Je viens vous parler de un de vos amis, monsieur Harry Stanley. Ah, oui, oui. Vous connaissez déjà. On est très inquiet de ce qui lui arrive. On a appris qu'il avait disparu et honnêtement, ça va même juste. Enfin, certains disent qu'il serait même mort. René, oui. C'est un ami, quelqu'un de très passionné qui partageait la même chose que nous. Et, écoutez, la police a déjà classé l'affaire, mais nous pensons que il est toujours quelque part. Ça m'étonne pour un ferrovipate de laisser sa collection entière chez soi. Mais oui, mais tout à fait. Je pense qu'il est certainement. Il a eu peut-être des problèmes avec quelqu'un, peut-être d'ordre privé. Pourtant, je le connais bien et c'est quelqu'un de très agréable, très calme. Il est très loin de ces gens qui pourraient avoir des soucis. J'ai mal à imaginer Stanley à avoir des ennuis. Oui. Alors, j'aurais une question pour vous. Pouvions-nous en discuter plutôt en privé, tous ensemble ? Écoutez, allons-y. Venez dans mon bureau. Venez dans son bureau. On l'assomme et on prend toute sa collection. Oui, allons-y. Vous arrivez dans une pièce, pareil, de grands collectionneurs. Il y a des maquettes, des livres, des schémas partout. Dans un recoin de la pièce, dans une autre pièce, mais en fait vous voyez qu'elle est séparée juste par une grande baie vitrée et une porte, comme un peu les bureaux dans les trucs de police, vous savez, vous pouvez voir à la limite de l'autre côté. Et vous voyez une grosse maquette. Taille réelle. À taille réelle. Enfin, à taille réelle. C'est pas une grosse maquette. Il a bu la gare, le gars. Ferrovipat, le bel max, mon gars. De certaines tailles. Et effectivement, il y a un train posé dessus. Et voilà, donc il vous fait rentrer, oui. Je vous écoute, que se passe-t-il, enfin... On pense que sa disparition est liée au fait qu'il a acquis une maquette de train qui est le modèle Wington. Ça vous dit quelque chose? Oui, je sais, il m'en avait parlé. C'est une reproduction en fait d'un train qui l'Express de Londres qui en 1897 a disparu de façon assez mystérieuse. Ils ont retrouvé tout le train sauf le tendeur et deux wagons. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il était tout excité parce que cette reproduction, aussi incroyable que ça puisse l'être, n'était que composée d'une locomotive, d'un tendeur et de wagons. Oh! Donc voilà, ça lui a fait tout drôle quelque part. C'était exactement les pièces manquantes de ce fameux train. Mais il avait l'habitude de commander ce genre d'article parce que d'après ce que je sais, il aurait acheté à quelqu'un un certain nommé Alexis. C'est bien ça? Ah non, il n'a pas acheté ça. Il a acheté ça à un antiquaire. Mehmet quelque chose. Oui, je me suis emmêlé. Oui, c'est Mehmet qu'il a reçu depuis l'héritage d'un certain Alexis. Ouais. Non, dis pas trop. Oui, non, c'est moi dans ma tête. Moi, je ne connais pas Alexis. Excusez-moi. Mais oui, il est tombé dessus par hasard. Il faisait, bon après, comme tout Ferrovipat qui se doit, nous farfouillons un peu partout dans les antiquaires et autres magasins de jouets pour trouver notre bonheur. Et il est tombé sur cette boutique et il a trouvé cet exemplaire. Franchement, rarissime, j'imagine. Rarissime, non, il y a déjà eu des autres reproductions, mais de comme ça, là, juste la loco, le tendeur et les deux wagons, quelque part, ça lui a. Ça l'a fait un peu. Ok, quoi. Il a trouvé ça rigolo. Entre nous. Il n'y a pas eu de petite perquisition de trucs durant l'enquête d'objets? Ah, nous, on ne sait pas. On a la police qui est venue ici nous amener. Entre nous, joueurs, je veux dire. De perquisition? Personne n'a pris quoi que ce soit dans la pièce. Personne n'a prélevé quoi que ce soit pour preuve ou quoi. Rien. Personne. Mais il y avait. En fait, il y avait des traces ou quoi, mais il n'y a rien à prendre, clairement, en fait. C'était plus visuel que. Non, mais du coup, oui, on a comme vous pouvez voir là-bas, donc il vous montre la pièce. On a la police qui nous a ramené sa maquette et sa miniature. Ils nous ont demandé de tester si la miniature n'avait pas un défaut électrique qui aurait pu entraîner un incendie chez lui. Nous, honnêtement, on a testé la miniature. Peut-on voir cette miniature? Bah écoutez, elle est là-bas. Allez-y. Hein. Merci beaucoup. Bon, on va faire une petite observation. Oui, observons-la. Je pense qu'il y a de l'occulte. quand vous arrivez devant, vous voyez que les rails sont fixés sur une planche en bois massif. Que vous voyez clairement qu'il faut plusieurs personnes pour la porter parce que c'est lourd, parce que c'est trop volumineux pour une seule personne. Vous voyez que le circuit il forme un 8-10 forme un peu dans l'idée, tu vois. Il n'y a pas de décor, il y a zéro décor, mais tu vois que ça fait des variations au niveau hauteur. De la hauteur des voies. Tu vois qu'il y a une grosse pile imposante qui est sur le côté pour fournir l'électricité pour la que la miniature puisse le train puisse avancer. Et que donc forcément tu vois la loco, le tendeur et les deux wagons. Mmh. Mmh. Ouais, là ah, en fait, là t'es en train de regarder la maquette et ainsi que la miniature, hein, la miniature. Et donc tu as les rails qui sont fixés sur une grande planche en bois massif, tu vois. Que c'est une grande planche qui est assez lourde, assez volumineuse, donc il faut plusieurs personnes pour la porter. Oui, Catherine. J'entends pas Oxyde. Ah. Mais j'entends, je t'entends toi. Est-ce que tu peux... Moi, je l'entends. Moi aussi, j'entends. Oxyde. Mais non, je t'entends pas. Il est en train de parler en plus. Mais moi je l'entends parfaitement. Je ne sais pas pourquoi. Mais oui, mais j'entends tout le monde sauf Oxyde. Est-ce que tu peux faire un clic droit et voir si tu l'as pas mute? Ouais, bah excusez-moi le stream. Bah non, il est pas en muet. Il est 100% en volume. Décoroco. Ouais, décoroco. Moi j'avais un truc à demander. Ouais. Oxyde. 1-2-2. Oui, voilà. Excusez-moi pour le stream. On peut reprendre. Donc alors du coup je finis vite pour notre ami Nelson qui n'avait pas tout entendu. Donc les rails sont fixés sur une grande planche en bois massif qui est très volumineuse, donc il faut plusieurs personnes pour porter cette maquette. Que le circuit forme une espèce de 8-10 formes, qu'il y a zéro décor, c'est clairement juste des rails avec une planche. Que tu as une énorme pile qui est là pour alimenter le circuit pour le train miniature et que tu vois la locomotive, le tendeur et les deux wagons qui sont posés dessus, qui ne bougent pas, qui sont juste posés dessus et que après enfin après que vous arriviez, il y a le Arthur qui vous dit, voilà, ils ont même reproduit le même numéro de série que le vrai train de 98 que 97. C'est trop bien reproduit pour ne pas que ce soit l'original. Voilà. Voilà. Donc qu'est-ce que tu voulais dire, Peter? Tu voulais demander quoi? Je voulais lui demander si, à part peut-être les défauts, bon, il nous a dit qu'il n'en a pas vraiment trouvé, il y avait quelque chose peut-être qui le tiquait sur cette maquette, quelque chose de particulier, lui qui s'y connaît bien, peut-être amener, c'est peut-être une contrefaçon bien imitée. Et, non, il trouve que c'est une maquette qui est de bonne qualité, qu'elle n'est pas exceptionnelle, elle n'a pas de... Voilà, c'est une qualité tout à fait moyenne. Qu'il y a déjà eu des reproductions de ce même train, pas la première fois, parce que c'est un train qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque, et du coup c'est un train qui a été mis en vente peu de temps après, et que pour certains ils ont mis le numéro parce que ça pouvait faire vendre un peu, mais que c'est pas la première fois que ce modèle-là, avec ce numéro de série-là, existe. Ah, donc okay. Il est vraiment rien de particulier. Enfin, genre, voilà, mais il a trouvé marrant, en fait, ouais. Voilà, il retrouve juste la loco, le tendeur et les deux wagons, comme il était de mise dans ce qui s'est passé. Mais que c'est une bonne qualité. Elle n'est pas exceptionnelle, mais ça reste une miniature de bonne qualité. Il y avait une spécificité qui vous a un peu marqué là-dessus, d'ailleurs? Honnêtement, il est même pas genre tout petit peu par exemple abîmé, il a pas de, je sais pas, le moindre truc. On l'a regardé, non, pas spécialement. Moi, il est pas ce il est potentiellement le départ du feu, du coup, si jamais il y a eu chez votre ami, on a regardé, il y a aucun défaut, hein. C'est ce qu'on a dit à la police. Il y a aucune trace, des traces noires, de ce genre de choses, sur le. La maquette, effectivement, quand on l'a pris, il y avait un peu de suie. Mm-hmm. Bon, après, bon, on l'a nettoyé un petit peu, pour, mais sans plus. Voilà, écoutez, nous, enfin moi, cette maquette, elle me, voilà, elle me pose pas de problème. Vous la voulez? Vous voulez que je vous. Ouais, vous voulez la prendre? Moi, après, honnêtement. Si vous désirez une compensation derrière, il n'y a pas de. Bien sûr, ah, écoutez, vous m'en donnez. Et puis, ça pourra soutenir votre association ou de quelconque. On va dire que le la maquette plus la miniature. Bon, après, en même temps, voilà, c'est volumineux quand même. C'est pas à moi, hein, donc. Mais. Enfin, vous demandez. Allez, pour deux livres. Deux livres, je vous les laisse. Je vous en donne 10. Voilà, non, mais je vous donne deux livres, je vous les laisse. Non, mais il te dit deux livres, je vous la laisse. Ouais, non, mais j'ai trop d'argent en espèces sur moi. Ils ont acheté un livre, les gars. Non, mais bah les couilles. Ah, oui, moi, je. Ouais. Ouais. Pour deux livres, ouais. Et pour deux, il te la laisse. Tu veux donner 10, tu donnes 10. Ouais, j'en donne 3, comme ça on donne 5 livres en tout, et comme ça ils pourront s'acheter plein de trucs. Ils vont être trop contents. Tu vois qu'il fait une tête de. Genre, il en revient pas de toucher 5 livres, ça quoi, tu vois, genre. Bah, moi je me rends compte. C'est gentil, c'est gentil de votre part. Tu n'as pas notre richesse, tu peux pas comprendre. Par contre, prévoyez un moyen de transport pour la maquette, parce que. Il va pas tenir. Enfin, vous pouvez pas la porter. Bah, on est venu en voiture, il me semble. Non, je vais tendre une petite carte bien imprimée, mon adresse, le nom de mon jeune homme. Ah, pour faire livrer, d'accord. Livrer pour un. Hein. Mais écoutez, pour les 5 livres que vous m'avez donné, je vais m'occuper du transport chez vous. Je pense qu'il peut embaucher même derrière. Après, vous, juste avant de partir, vous allez me faire un jet de toc, s'il vous plaît. Ah, enfin. Depuis tant qu'on l'attendait. Yeah. Oh mais bon. Excusez-moi, j'étais absorbé moi par les détails de la pièce. Pareil. Et puis j'étais sonne, trop fort tu vois, pour ça le va moment. Mieux. Ouais. Hop. Eh bien, maintenant que vous avez fait l'acquisition de cette maquette et de ce train. Vous avez quand même un petit peu fait le tour, regardé un peu et tout pesé la bête. Hein, que, bon, ça y a... Et puis, d'abord, c'est. C'est qui d'abord ? Pardon. C'est Peter. Peter, tu décides de. Tu n'avais pas pensé de te baisser et de regarder en dessous ? Mais je suis un chien. Et bizarrement, quand vous voyez Peter faire ça, vous suivez tous le mouvement en fait. Vous êtes tous accroupis, enfin voilà, et finir par vous baisser. Il y a marqué l'entrepôt qu'il a créé. T'sais. Et vous trouvez en fait un mouchoir en soie, enfin un peu de soie, enfin qui est fixé en dessous de la planche. Fixé, épinglé comme un... Ouais, elle était accrochée. Je suppose que Peter va le prendre. Ou c'est accroché intentionnel, comme si c'était pour protéger peut-être un endroit où elle était posée, tu sais. Genre peut-être qu'à un endroit précis pour pas que ça raye ou pour pas que ça abîme quelque chose, il avait été la planche a été posée dessus. Et que, avec le temps, hop, ça s'est resté accroché dans la planche. Mais... Et sur ce mouchoir, vous trouvez les initiales R.A. Ah. Oui, bon, ok. Qui sont brodés dans un coin. Bah, je me demande à qui peut être lié ce fameux nom. Randolph. Ouais, bizarrement. Petit A, Randolph Alexis. Petit B, Henry Stanley. Vous avez 10 secondes. Et le professeur Suisse, il faut pas l'oublier. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites de plus? Est-ce que vous voulez regarder un peu les Vu mon succès extrême, il y a un autre truc qui me vient à l'esprit ou pas? De parler par rapport à Peter, mais... Bah, toi, en fait, tu décides, en fait, après tout ça, de dire, ouais, tout à l'heure, on regarde, mais... tu prends la maquette dans les mains. Voilà, et comme c'est trop miniature, lourd le train miniature pour une personne, dans les mains. Ça tombe. Non, mais le train, la maquette, non, mais le train dans les mains. Et tu regardes, tu examines un peu les voitures. Et dessus, tu trouves des symboles bizarres. Des trucs que tu connais absolument pas. Franchement, des symboles, mais qui sont gravés en fait sur tout le châssis des voitures. Mais vraiment, genre des symboles, c'est pas d'origine sur le véhicule, tu vois. Tu dis, c'est rajouté, mais tu comprends pas ce que c'est en fait. C'est la chose que t'as jamais. J'ai demandé des infos quand même au gars qui nous accompagne là. Bah, quand tu lui tends ça, il dit, Ah bah j'avais vu ça. Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. Pas d'origine, hein. Je sais pas du tout ce que c'est. Il nous est possible de nous procurer directement de suite la miniature avec tout le grand soin qu'on pourra. Après, prendre une feuille de papier, voilà. Je pense, la coller sur le truc. Et passer un crayon dessus pour garder en fait les signes. Gravé, c'est gravé, parce que ça peut. Ouais, gravé. Donc du coup, d'accord. C'est prendre une empreinte. Mais on peut quand même se procurer cette miniature sur nous. Bah, on l'a pas acheté là. Bah là, vous l'avez, c'est la vôtre. D'accord, non mais après, il était prévu qu'on soit livré, c'est pour ça. Ça, on peut le garder avec nous, mais on a juste besoin des formes là qu'on a. Mais j'aimerais juste, je peux jeter un œil sur la miniature et regarder si dans la miniature il n'y a pas une miniature d'un personnage. Ah, si tu vois des personnages dans le train, bah, tu prends le truc et non. Personne. Il n'y a pas de Playmobil, de machin. Vraiment. Il n'y a pas de Lego collé, non, ça va. Il n'y a pas de Lego. Ça risque pas de faire mal aux pieds, donc c'est bon. En plomb, il n'y a rien de tout ça. D'accord. C'est juste un train vide, mais. Effectivement, quand tu regardes sous le châssis, tu vois ces formes un peu bizarres, ces symboles. C'est cunéiforme, c'est géométrique, c'est. Mais entre nous, c'est juste ça a l'air de symboles satanistes, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Ah, clairement. C'est... Des gros pentacles, des trucs. Voilà, c'est des trucs comme ça. Du coup, alors qu'est-ce que vous faites maintenant? Bah, on retourne. Est-ce qu'on va pas plutôt chez toi maintenant, mon cher ami? Je pense. Tu arrives à l'hôtel avec une grosse maquette. Nelson, ouais. Oui, voilà, c'est ça. À un moment, on va pas. Mais au moins, si jamais les Turcs ont voulu tenter, genre si jamais ils avaient eu l'adresse, etc., vu qu'on était pas pendant, je crois, ça fait deux nuits qu'on dort à l'hôtel. Deux nuits, ouais, je crois. Ouais, trois. Deux nuits. Ouais, ça fait deux nuits, donc je pense que ça fait un petit large temps que si jamais ils auraient essayé de frapper, il n'y avait personne et ils sont tristes. Et... De toute façon, les Turcs sont morts. Hein. Mais. Tous les Turcs ne sont pas morts. C'est même oh, une nuit. Parce que vous avez décidé d'aller à un autre hôtel, c'était quand? C'était le soir de. Vous avez trouvé le corps écorché. Voilà, oui. Voilà. Donc voilà, c'est une nuit. C'est une nuit, c'est pas deux. Parce non, que non, non. Je sais pas, quand t'as parlé, quand t'as fait le résumé de la session, t'as parlé d'un hôtel avant qu'on fasse la journée avec tout moi, ça. On n'est pas retourné chez Nelson après avoir vu. Je te parle d'un truc que les gens peuvent vérifier en retournant au début de l'épisode. Au tout début, t'as parlé d'hôtel avant qu'on aille faire la journée avec le. Il a un peu raison, le MJ, on a dormi qu'une nuit à l'hôtel. Je sais pas, parce qu'on a. Ouais. Pour moi, ah, ça bah, pas exprimé, j'ai pas noté le nombre de nuits qu'on a fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous, le soir du, enfin le jour où Nels a trouvé l'écorché, vous avez décidé de ne pas, à cause de ça, à cause de... Ouais, parce que passé, bon, ça fait qu'une nuit, du coup, c'est moins ouf en termes de protection. Mais... oui, pour moi, on a. C'est à partir du moment où on a vu le professeur Smith devenu aussi roussi qu'une merguez qu'on a décidé d'aller dormir dans un hôtel et ensuite, par mesure de sécurité, on avait décidé ensuite, encore une seconde nuit, de dormir à l'hôtel. Ah, j'aurais pas compris ça alors. Je serais pas le seul alors. J'ai pas souvenir. De toute façon, en vrai, qu'il y a une nuit ou deux, c'est pas le plus important. On va pas chipoter, voilà, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, là maintenant, vous avez une maquette. Où est-ce que vous la faites livrer? Bah, chez notre ami. Chez moi. Enfin, chez toi. Donc, vous laissez la maquette avec, enfin, la miniature. Je désirais récupérer, moi, la miniature. Donc, tu veux non, simplement qu'il te demande de te livrer la maquette, mais pas la miniature. Mais pas la miniature. Tu la prends avec. La miniature, je la conserve, ouais, même. J'aimerais avoir juste un sac à sandwich, tu sais, les sacs d'ouvriers, les sacs où leur midi, quoi, leur pistolet. Voilà, oui, je m'en fous. En ferraille, là, qui s'ouvre en une petite boîte comme ça, là. Un sac. Bah oui, un sac en papier. Sac très con, même plein d'huile, ça sent les frites, je sais pas quoi. Là, ouais. C'est sûr de faire discret, parce que c'est discret, quoi. D'accord, oui, quelque chose qui passe, voilà, c'est random, quoi. Voilà, un sac random. Oui, bah, écoute, tu trouves ça. Elle sera dedans. Ok. Je la porte, c'est moi qui la trimballe, ouais. D'accord, du coup, vous quittez l'association des ferrovipates de Arthur, de monsieur Arthur, ouais. Et que faites-vous? Quelqu'un avait dit qu'il voulait retourner chez moi. Oui, ouais, du coup, bah oui, puisque c'est là qu'on va être livré, donc. Très bien, d'accord, allons-y. Allons-y. Si une fraction, on le saura. Totalement. Allons-y, pilote, conduis. Bah, du coup, bah, vous faites le petit trajet pour vous retrouver chez Nelson et vous arrivez, tout se passe bien. Et ton majordome. Vous ouvre la porte, il est tout étonné, disant « Écoutez, monsieur Nelson, que s'est-il passé? On pensait vous voir, mais vous nous avez même pas prévenu, on s'inquiétait un petit peu, on était sur le point d'appeler la police. » Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a pas d'écorché, il n'y a pas de... Tout va bien. Écoutez, en tout cas... Je suis parti faire la visite de la campagne et des prochains coins de chasse à mes amis. Ah d'accord, bah écoutez. Parfait. Tu rentres chez toi. Hein. Donc, il veut savoir puis-je si... Puis-je me permettre, monsieur majordome, de rentrer Si tu veux, il se permet de te demander si tu veux ton petit verre de scotch habituel. Servi. Ouais. S'il vous plaît, ouais. Bah donc il t'apporte ça, il propose d'ailleurs la même chose aux gens. Est-ce que vous désiriez boire quelque chose? Toujours un petit salon, hein, Porto, un petit Porto. D'accord, bah écoutez, voilà, donc vous vous retrouvez dans le salon. Pardon, mademoiselle. Porto. Et Catherine ne veut rien boire. Elle... Ah bon? Elle a pas soif, non. J'ai entendu Porto, c'est pour ça. Non, Porto, c'est pas moi. Ah, les Porto. Et Peter? Un bourbon pour Peter. Donc, vous retrouvez dans le salon. Discuter de choses et d'autres. Et vous voyez que, à peu près une heure après que vous soyez rentré, un livreur sonne chez Nelson et plusieurs personnes rentrent avec une grosse maquette. Et on vous demande où est-ce que vous voulez qu'on vous dépose ça. Dans une buanderie assez vide. C'est assez. Faites de l'espace dans une buanderie assez grande et posez-la. Ok, bah, tu vois, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, la place est faite. Ils posent tout ça dans une buanderie. assez large pour accueillir la maquette et vous autour, hein, si jamais. Voilà. Et ils sont bons. Maintenant, vous avez une maquette dans la maison de Nelson. Je pense, cher ami, qu'il est l'heure de procéder à quelques reconstitutions de faits. Soit. Brainstorming. Un storm brainstorming. Ouais, tu veux dire un scroom. Voilà aussi. Tu veux. Bon, bah, c'est pas très compliqué. Si tu veux la version concrète, bah, le train en lui-même est tout à fait normal. On a juste trouvé un chiffon qui pourra appartenir à Rodolphe Alexis, mais que. Ça on n'est pas surpris du coup. Qui. N'importe qui possède des initiales RA. Il n'y a pas eu de problème dessus sur la maquette. Il n'y a pas eu de traces de brûlure, ce qui veut dire qu'elle n'était peut-être pas présente, ou je ne sais pas, quelqu'un l'a placée là après la combustion spontanée de notre ami. Bon, bah après, cet objet, tu en as fait l'acquisition, mais pour moi, il paraît... Il est intéressant. Excusez-moi. Je trouve ça quand même intéressant, si jamais, finalement, ce mouchoir appartient réellement à Randolph Alexis. Ça voudrait dire donc du coup, vu que ça fait partie de ses successions, etc., que ça fait partie des modèles d'un modèle du coup qu'il a acheté avant. Donc ça veut dire que ça va être une des premières productions, parce que ce qui a rendu connu finalement ce train, bah, c'est malheureusement sa finalité, comment il a fini. Du coup, ça veut dire que c'était une reproduction qu'il avait avant. Donc on est, enfin, je trouve ça intéressant quand même de garder ça en tête. Du coup, on n'est pas dans les productions qui se sont faites après parce que le truc était célèbre, mais qu'on est bien sur un truc qui a sûrement eu Randolph Alexis, qui était là, du coup, bien avant du coup l'accident. Ce qui veut dire qu'il avait lui-même cette maquette, etc. Je sais pas trop vraiment la finalité de ces informations-là, mais je trouve ça intéressant. Je rappelle que Randolph Alexis... Il est mort. Ah, c'est le fils. T'es mort. Non, c'est le fils de Rodolphe Alexis qui a revendu à Mehmet. Oui, tout à fait. Mais le fait qu'il a son mouchoir avec cette initiale pourrait, pour moi, signifie que ce truc a appartenu à Rodolphe Alexis. De toute façon, vu que ça faisait partie de sa succession. Donc, c'est-à-dire qu'il l'avait avant, du coup, qu'il a péri dans le train. Et donc, du coup, avant que le train devienne célèbre à cause de sa finalité. Je trouve ça juste intéressant de mettre ça en surlignance, bien qu'encore une fois, je n'ai pas la finalité de ces informations. Moi, je désirais juste regarder sous la planche, là où il y a eu le mouchoir collé, là. Et, s'il n'y a pas eu des inscriptions en dessous du mouchoir, derrière le mouchoir, quoi, une fois enlevé. Mm-hmm. C'est non. Ou pas, ça c'est... Il n'y a rien, c'est propre, c'est net. D'accord. C'est... Ouais. T'as juste ses initiales dans un coin. Bah, mouchoir. Rien d'autre. D'accord. Est-ce que tous les rails sont correctement connectés? Il y a eu, Non, le circuit il est parfait. Hein. Enfin, tu vois, il n'y a pas de cassure. Il est presque en 8, ceci dit, tu m'as dit. Ouais, une espèce de 8 déformé et il y a des montées, des descentes. Tu vois, c'est à certains endroits, ça monte, ça descend. Ah, c'est en relief. Moi, j'ai cru que c'était sur du plat, moi. Non. D'accord. Ça fait aussi des montées, des descentes. D'accord, ok. Est-ce que tu veux le faire fonctionner? Ouais. Ouais, moi c'est ce que je pensais dès le début. Pas comme ça. Ah bah si, direct, on va le tester et voir s'il n'y a pas une combustion spontanée. On va tous cramer. Ouais, j'adore ça. Pas comme ça. Oriente-le quand même. Voilà. Nord-ouest, voilà, etc. Voilà. Ouais, mais ceci dit, à quelle heure de la journée environ? À quel moment de la journée? 7 heures. Ouais, c'est du matin. Ouais, c'est non, sur les coups de... Du soir. Non. Après c'est sur les coups de 8h du matin qui a disparu. Hein. Si c'est après le soir. Attends, alors, non, de quoi monté, on parle? Il est monté à l'étage à 7h. Oui. Et on l'a pas et après. On l'a pas retrouvé après. Oui, mais à un moment, elle a entendu des hurlements. Et elle est montée. Oui, voilà, et ça, c'était 8h du matin. Non, c'était pas le matin. C'était 8h. Pardon. Ah, bah, j'ai vu 8h, je me suis dit, tiens, c'était le matin. D'accord. Pas peur, tata. Donc en gros, il est monté et une heure plus tard, il y a eu un hurlement, il a disparu. Ouais, en gros, c'est ça quoi. Ce qui ressemble beaucoup à j'ai mis mon truc là et au premier coup, il y a eu combustion et j'ai disparu. Donc c'est sympa, on a qu'à essayer. On va mettre mon château en fédéral. Je vais essayer de faire ça sans moi. J'ai resté dans la salle à côté. Hein. Emilio, N'oubliez je pas vous prie. Il faut une fenêtre et une porte, l'une à l'ouest et l'autre à l'est. Ça t'en fait rien, c'est juste que l'agencement de son appartement il est comme ça, après c'est pas forcément bah ouais. que... Ouais mais t'avais dit que c'était bien parallèle, enfin perpendiculaire avec ça ou je sais plus pourquoi. Ouais, non mais s'il y a les traces qui... J'ai juste décrit sa pièce et après j'ai décrit les traces au sol et au plafond et basta. Mais tout question, à fait. Question de lumière, donc c'est juste pour savoir à quel moment de la journée... Nous sommes. La buanderie est pourvue de fenêtres. Bah c'est à toi de me le dire, c'est chez toi. Ah pardon, bah je sais pas. Ah bah c'est où, pas chez moi, hein, franchement, la buanderie je l'ai pas, hein, c'est la qui va. Pas du tout, j'habite. C'est chez toi, hein. Ouais, bah on va dire que c'est pile poil orienté ouest, qu'il y a une fenêtre là. D'accord. Non, parce que je voulais la faire déplacer au grenier, mais de faire encore plus flippant. Non, non, non, mais écoute, c'est chez toi, donc c'est toi qui as choisi ta... Non, on va rester dans la buanderie. On va cramer parmi les linges propres. Donc, vous préparez la maquette, vous mettez le train sur les rails, et vas-y, Peter. On prépare la cérémonie. Ouais, s'il vous plaît, pas un mot durant la prochaine heure. Alors, j'arrive avec des bougies, moi. Juste question, est-ce que Emilio, tu restes dans la pièce ou pas? Bah oui, bah, reste avec nous. Moi, je tiens par le col. Hein. Écoutez, Catherine, j'apprécie fortement ce que vous montrez pour l'affection que vous me montrez, mais voyons. Mais je vous prie, on fait une expérience. J'espère bien que nous serons tous là pour voir. Le danger ne me fait pas peur, mais là, c'est un danger que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Il va falloir. Je ne peux pas. Pour rendre l'ambiance un peu plus légère, parce que ça va tomber très lourd, juste étant donné que j'ai un peu d'alcool dans le sang, étant donné la flasque de whisky qui m'a tenu bien chaud toute la journée, voilà. Ta pote, une bonne qui est présumée un peu frivole et. Fais un petit clin d'œil à Emilio. Non, mais... Non, mais t'as rien à dire, ou t'inclines ou tu déclines, c'est tout. Hein. Non. Mais vu qu'il sera pas bien, moi, voyons. Et bon, ceci dit, c'est... Non, mais Emilio, restez en ma compagnie. De toute façon, j'ai besoin d'un homme fort pour me protéger en cas de problème, vous le savez. Ah, c'est vrai qu'en même temps, Emilio, tu te dois de puiser un homme viril, quelque part, tu te dois quand même de... C'était Burne. N'oublie pas qui tu es, genre en soi. C'est vrai, Peter ne va pas vous protéger, c'est à votre affaire. Ne te guérisse pas, Catherine. Donc, Catherine, t'as convaincu, là, surtout, avec des arguments qui ont fait mouche. Il y a que moi dans ce groupe qui puisse protéger une femme telle que vous. Ah oui, tout à fait. Donc, pour le coup, tu te retrouves tout à côté de Catherine. En mode garde du corps, mais un peu en retrait quand même, tu vois. Premier plan, t'es légèrement en retrait. Qui lance le train? Je donne des directives, faut pas qu'on nous dérange jusqu'à demain matin. D'accord. Le temps vous fermez la porte de la buanderie. Pas un mot durant la prochaine heure. Ok. Donc, j'enclenche. Ouais. C'est toi qui enclenche. Vous voyez le train partir vers son petit cheminement. Il passe devant la première dans la première boucle du 8. Il croise la deuxième, tout tranquillement. Il continue dans la deuxième boucle. Il croise, il remonte, il descend. Il fait un tour. Il passe rien. Il repart. Et vous voyez comme ça pendant... Allez, facilement une minute. Il fait à peu près 3, 4 tours, 5 tours. Il ne passe rien. Et puis, limite, Emilio, tu vois, il commence à se rassurer, tu vois. Il dit, bon, en fait, c'est un train. Tour, quoi. Limite, vous vous sentez ridicule d'avoir pensé qu'il allait se passer quelque chose, tu vois. Peut-être qu'il y en a certains qui auraient aimé qu'il se passe quelque chose. Mais, voilà, ça fait au moins 5 minutes, passe toujours rien. Et puis, à un moment, vous sentez un peu étourdi. Enfin, vous sentez que votre vision, elle est plus très nette. Ça se trouve un peu devant vous. Et il y a un qui vous gêne, que au loin, vous entendez le bruit d'une loco qui très loin. Et plus ça va, plus le son s'amplifie, et là vous commencez vraiment à entendre le sol, la pièce commence à vibrer. Ça commence à bouger autour de vous. Vous sentez que votre vision devient de plus en plus floue, brumeuse. Maintenant, c'est une odeur de soufre qui emplit vos narines. Et à un moment donné, devant vous, comme si la pièce se déchirait, vous voyez arriver le nez d'un train. Mais un train qui rentre dans la pièce. Littéralement, d'un coup, vous, au moment où ça se passe, vous avez votre vue qui devient tout. C'est le blackout pendant quelques secondes. Et quand vous reprenez vos esprits, vous vous retrouvez devant un train gigantesque. Vous regardez autour de vous et vous notez que il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, la pièce n'existe plus, il n'y a plus de pièce du tout. Vous regardez autour de vous, c'est une espèce de dimension bizarre où il y a des flux de mélange qui tourne dans tous les sens. Et quand vous attendez, tu coupes le micro. Ouais, non, c'est normal parce que je parle. Oui, c'est... Ouais. Là, c'est le MJ qui coupe. Oui. Et voilà ce que vous voyez. En fait, au niveau du train, hein, j'entends bien. On est bien d'accord. Voilà à peu près le type de train que vous avez en face de vous. Un train complètement... C'est pas un train en fait, c'est un truc un peu mi-métal, mi-chair, organique. Le train s'arrête littéralement devant vous. Vous entendez un qu'est-ce que vous faites? Je grimpe dans un wagon. On n'a pas de ticket, on ne peut pas. Je grimpe dans un wagon. Je te suis. Mais je suis complètement dérouté, mais je te suis parce que je. Vraiment. En fait. Vraiment. Vous voyez que avant de monter, qu'à l'intérieur du train, dans les wagons, il y a des gens qui sont là, qui ont des tenues et qui portent des tenues typiques de 1890 à peu près, hein, de cette époque-là. Et comment dire, tu vois qu'il y a ces gens-là, ils commencent à descendre, hein, comme si ils descendaient pour aller sur le quai de la gare, tu vois, enfin, s'ils étaient arrivés à destination. Mais vous voyez que ces gens, ils sont pas, bah, physiquement, c'est des êtres humains, hein, tu vois. Ils... Je ne les regarde pas dans les yeux, du moins. Mais vous voyez que ils sont livides, ils sont pâles, blancs, tu sais, comme s'ils étaient vidés de leur substance d'énergie, tu vois. Mais... Blême, voilà. Ce sont des goules. Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que vous racontez? Et que après, ils arrivent à côté de vous et ils disent « À quelle heure arrivons-nous à Liverpool ?» Bonjour. Demain matin. Où est le contrôleur? Demain matin. Qui êtes-vous? Pourquoi sommes-nous en retard? Demain matin. Il est 8h15. Tiens, est bien nuageux, tout d'un coup. Demain matin. Y a-t-il un autre train derrière nous? Matin. Mon mari devait le prendre, justement. Demain matin, ma chère. Vous voyez que ce sont des questions, mais... En soi, ils attendent même pas de réponse. Ils posent des questions, mais... Je me pince, je sais pas, j'essaie de me... Mais vous voyez qu'ils sont vraiment autour de vous, quoi. Ils sont dans le... Moi, je recule un peu, quand même. Je peux pas me retrouver autour d'eux, hein. Vraiment. On est sur le quai, on va dire... Comme si, vous voyez, c'était Sommes-nous, là, actuellement, sur le quai? Ou alors, est-ce que moi et... En fait, vous... On s'est engagé dans le wagon. Il faut vous dire que... Il y a pas de structure, en fait. Vous oui, avez non, mais un train qui était dans notre, là-dedans, là, on est sur le quai. Je veux dire, dans notre psychologie, on est sur le quai. Ou... Je sais bien, il n'y a pas de haut, pas de bas. Et là, j'en fais abstraction. On est dehors parce que je me suis engagé dans le wagon. Non, là, pour l'instant, tu limite, t'allais t'engager, mais t'es un peu stoppé par les gens qui descendent, qui posent des questions. J'ai cherché à boire, j'en ai pour 2 secondes. Et là, il prend de l'eau. Du coup, on est dans le wagon là, on est bien pour l'instant. Non, vous n'êtes pas encore entré. On est sur le quai. Vous apprêtiez. Il s'apprêtait. Voilà, Nelson. Ah, n'importe quoi. S'apprêtait à monter à l'intérieur quand vous avez vu ces passagers livides, blancs, tout ce que tu veux, machin, blafard, descendre et vous poser tout. Question. Et vous voyez qu'il commence un petit peu à tourner autour de vous, mais genre tout le temps. Et à un moment, tous ensemble, au même moment, ils disent venez avec nous. Je sors mon pistolet. Venez avec nous. Et c'est là que je fais un déni, je refuse de grimper. Là. Ah non, mais je sors mon pistolet et je me sors de la foule, moi, je prends mon... Mais ils nous entourent, en fait. Bah oui, ils tournent sur vous. Donc c'est pour ça, moi je sors juste mon petit pistolet, qui est un petit pistolet, vous savez... De poche, ouais, un Behringer, c'est ça. Oh, il est très fort, cet homme. Oui, je suis spécialisé dans... les armes de femmes. Après, vous, au bout d'un... Enfin, à un certain moment, vous voyez que donc Catherine qui commence à... T'es terrorisé. Catherine, à force de viser un peu dans ta gauche, tu remarques dans le deuxième wagon, donc celui qui est le plus au fond, une personne qui tape sur le carreau. qui tape. Qui est clairement pas pareil que les autres. Qui est déjà qui a un teint normal, qui est pas livide, et qui tape genre qui est paniqué. Qui tape et, il tape genre juste pour se remarquer ou il essaye de briser le truc, tu vois. Non, il veut comme s'il si cherchait à se faire remarquer, tu vois. Ok. Bah voyant ça, je dis à mes amis de regarder dans cette direction et je leur propose soit d'essayer d'y aller, sachant qu'on est entouré par ces. Soit je peux tirer dans la fenêtre assez éloignée du monsieur, même si je suis pas une très bonne viseuse, mais ça devrait aller. Pour juste briser la fenêtre et comme ça, lui, s'il veut, il peut sortir. Enfin, je sais pas. Ou alors on court et on essaie d'y aller. Au même moment. Je sais pas. Vous voyez courir, hein. Donc, vous êtes encerclé par ces gens. Au même moment, vous voyez en fait une personne se pointer donc dans le premier wagon là où vous d'où sortaient les gens. Une personne tout à fait normale. Il y a combien de personnes normales ? Et qui dit suivez-moi, dépêchez-vous. C'était courir la solution. Bon bah courons. Et donc oui. Je vais utiliser la technique ancestrale de Franklin. On va courir vers lui. Donc en gros, vous montez dans le train. C'est ça ? Mais ben It's a trap. Ouais, malgré le fait que ça si ne vous montez dans le train. Bon après en même temps, si vous voulez, vous pouvez. Bah, je vais faire la foule moi. Donc je cours si je vois quelqu'un de normal, je vais vers lui. C'est pas le choix. J'ai mes gambettes, hein. Mes gambettes et mon corps qui suit la procession de mes amis, camarades. J'ai mon mental qui fuit cette réalité. Oh oui, je cherche à retourner, à se réveiller comme à sortir d'un rêve. Je suis d'accord. Les deux en même temps. Si c'est dingue, vite, cassons-nous de là. De quoi, attends, répète, vas-y, dis-moi. Je cours comme eux, voilà. Dans leur ouais. Après eux, on va dire. Dans leur direction, je les suis, on va dire. J'ai okay. Mon mental qui fait que je cherche à sortir de cette réalité comme si je me réveillais, quoi. Comme si je cherchais à sortir d'un monde réel. Ah bah, tu essayes. Tu mais les deux en même temps, tu vois. C'est... Ouais, non, mais tu essayes, mais tu sens que. Tu peux pas en fait. Tu peux pas sortir de ça. Tu peux pas comprendre. Tu as beau essayer, j'ai l'impression qu'il y a rien à faire. Et d'ailleurs, suite à tout ça, je vais vous dire, parce que malheureusement, vous allez perdre la sentiment. C'est impossible. Je suis désolé, vu les conditions. Moi, j'ai vécu déjà des situations beaucoup plus traumatisantes. Exactement. C'est vrai. Non mais t'étais sous l'alcool ou de la drogue, là c'est différent. Non, sans être sous l'alcool et la drogue. Ouais, non mais on a tous vécu pire, donc je refuse. Non, en vrai, c'est bon, on doit faire un jet, on doit... Ou c'est juste on perd un... Faut me le dire. Il fait ton jet à ta place. Oh non. Malheureusement. J'aime bien faire des jets. Vous allez perdre. Quoi? Mais attends, est-ce que là on vient pas de dépasser deux fois le palier pour prendre des traumatismes? On se passe quand même le truc pour des traumatismes, ça serait très bien, tout va bien. On perd tous 6 là. Ouais, c'est ça, vous perdez tous 10. T'es sûr c'est méchant? Qu'on marque ça, méchant. Déjà, je me rappelle plus. Normalement, tu peux nous le faire, je crois. Tu as. Ok, ouais, j'ai trouvé. C'est en San, c'est ça? Ouais. C'est de la San, ouais. Je suis à 69 les gars, ça a plu. Et je suis à 59, tu veux quoi? Je suis fou les mecs, je suis à moins 30. Ah mais tout va bien alors. La pêche quoi. Okay. Ce qui se passe c'est que cette scène en fait où en fait vous avez deux chocs. Le premier déjà. Tout ce qui vient de se passer dans le sens où vous littéralement vous venez de voir un train apparaître de nulle part quasiment qui va vous foncer dessus, enfin tous déliter autour de vous, c'est juste mais quelque chose d'inimaginable, genre en soi même si vous aviez imaginé peut-être quelque chose comme ça dans votre esprit juste de côté farfelu que ça pouvait arriver, vous n'auriez jamais imaginé une telle chose. Mais là, ce qui vient de se passer, ça vous a juste détruit dans votre psyché, quelque part, quelque chose, parce que vous avez vu tout s'ouvrir devant vous. Un train arriver par de nulle part qui va presque vous écraser littéralement. Ensuite, vous réalisez que vous êtes dans une dimension juste, mais... C'est surréaliste, quoi. Vous êtes en train de flotter dans l'air. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il y a un machin qui arrive. Un train moitié ferraille, moitié organique qui est devant vous. Et en plus, maintenant, vous tombez sur des gens qui sont presque zombifiés, quoi. Qui sont quand même là, qui sont intelligents parce qu'ils peuvent parler. Mais qui sont blancs... Sans énergie, rien du tout. Et tout ça accumulé, vous êtes en dessous de tout, quoi. Et que, clairement, cet appel, cette personne dans ce train, est peut-être la seule personne qui vous relie à ce que quelque chose de normal dans tout ça, vous allez suivre oui, c'est prévu. Sans vous poser de questions. C'est juste. On va aller faire quelque chose de normal, c'est-à-dire cette personne, et donc vous rentrez dans ce train. Quand vous arrivez dans le premier wagon, que c'est le premier, c'est qui est juste après le tendeur, là où il y a le charbon, vous passez à travers tous ces gens qui sont vides. Et commencez à courir avec la personne qui est devant vous, qui passe, et qui clairement se dirige vers le deuxième wagon. Au fur et à mesure que vous avancez vers le deuxième wagon, vous voyez les gens qui re-rentrent à l'intérieur. Mais clairement, leur attitude change. Au début, elles étaient, pas agressives. Elles étaient juste là en train de vous parler, vous poser des questions et vous inciter à la fin à rentrer à l'intérieur. Mais au fur et à mesure que vous avancez, vous sentez que elles changent. Leurs yeux, déjà, se révulsent. Vous voyez que du blanc en fait. Ils ont même plus de pupilles, rien du tout. Et vous sentez que leur attitude devient agressive, qu'ils se rapprochent de vous comme des prédateurs en fait. Et donc lui, la personne devant, vous dit courez, dépêchez-vous, allez, faut y aller. Vous remarquez que au fur et à mesure que vous avancez, que le train à avancer. Vous avez même pas senti le démarrage du train, mais vous voyez que le train avance. Et tout ça, comme ça, quoi. Vous arrivez au niveau de la deuxième wagon, vous rentrez, vous voyez cette personne qui vous fait passer les uns derrière les autres. Dépêchez-vous. Je fermez la porte, verrouillez. Et d'un coup, dès que tout le monde est passé, il ferme la porte. Vous voyez une horde de personnes se jeter littéralement sur la porte. Des blèmes. Mais dans votre chance, ils ne parviennent pas à passer la porte. Mais clairement, c'est... Comme vous êtes en train de les regarder, vous voyez que leur peau a changé de couleur. Maintenant, elle tire vers le bleu. Limite presque comme un cadavre, un peu, c'est une espèce de peau cadavérique, un peu bleu-vert, enfin voilà. Et notre peau à nous, elle est comment? Vous n'avez absolument pas changé. Peau de bébé. Vous êtes les mêmes. D'accord. Vous voyez que quand même dans le ça sent le vieux bois mouillé et tout, que ça sent le pas le pourri mais un peu quoi. Comme un train qui aurait bizarrement... qui serait tombé dans l'eau et qui serait en train de pourrir. Bizarrement. Vous entendez à travers le carreau le souffle des autres en face qui genre ouais, il y a plus de paroles là, c'est que du guttural, si je puis dire, hein. Vraiment voilà. Et tu sens que ils ont qu'une hâte, pour passer la porte, voilà quoi. Mais pour l'instant elle est avec vous, elle a fermé la porte. Je m'assois à un banc nonchalamment. Bah en fait, tu arrives dans ce wagon-là. Je vais gorgé de ma flasque, si jamais je l'ai encore sur moi. Et en même temps, j'ai une pipe. C'est pas possible. Si tu veux, comment dire ça? Je vais casser un peu de trucs. Voilà. Après, vous avez donc cette personne qui vous a fait monter. Vous voyez, c'est une personne assez petite, chauve et plutôt mince. Et puis, vous voyez quand même que même s'il n'est pas blafard ou comme les autres. Tu sens que bon, il a quand même pris un petit coup, quoi. Tu vois, il est un peu défraîchi, si je puis dire. Un peu, il est pas frais, quoi. Genre comme si quelqu'un t'avait plusieurs jours que tu n'avais pas pris de douche ou que tu vois, t'étais un petit peu, tu vois, que t'avais un peu soif, machin. Tu vois qu'il est habillé dans un costume pareil, de la même facture, des 1890. Tu vois qu'il est là, ses yeux sont brûlent d'une certaine intensité. Tu vois, il est quand même, il a une certaine énergie. Il est, il est présent. Il est présent, voilà. Mais bon, tu sens quand même que il est pas super net. Je finirai comme ça au bout de deux. Le wagon est désert. Il n'y a personne dedans. A priori, comme ça, quand vous êtes seul avec ce personnage. Ça va aller? Vous allez bien? Où est-ce qu'on est? Vous avez soif, tenez. Bah, vous êtes dans mon train? Oui. Vous oui. êtes Moi Et vous, oui. vous Je suis Randolph Alexis. C'est que bien. Faites-vous ici, au juste? C'est plutôt surprenant de voir Nous n'étions des gens pas venus arriver, vous chercher, mais nous vous avons trouvé. Bah, écoutez... Comment avez-vous fait pour me rejoindre? Allumez votre train. Pour vous rejoindre dans votre miniature. C'est ça, la miniature. Oui. Oui. Je vois. Comment ça? Mais quoi? Nous sommes perdus. Je suis un peu troublé par ce qui se passe. Oui, tout à fait. Et moi, je suis pas du tout perdu, si c'est ça que vous imaginez. Je sais où je suis et où vous allez? Eh ben, j'essaye d'en sortir, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, je pense que vous avez bien vu que nous ne sommes pas là où nous devrions être. Vous êtes là depuis 1897. Oh! Mais nous sommes en camp maintenant. Parce que 1923. Oui, ça je sais. Hein? 1923. 23? Autant? Eh oui. Pas français. Vous êtes coincé depuis aussi longtemps? Écoutez, pour moi, ça faisait quelques mois. Je pensais pas. Au ciel. Ça faisait autant de temps, mais. Le paysage a l'air différent par ici. Où sommes-nous? Écoutez, nous sommes dans une dimension parallèle, si je puis dire. Que le. Un entre-deux. Nous sommes sur le rail opposé. Vous savez que ce train a déraillé. Oui, ça je sais. J'y étais. Comment vous êtes venu ici en étant dans le train qui s'est noyé? Écoutez, bon, je veux bien un peu vous parler de tout ça, mais après faudra m'aider. Il faudra qu'on travaille ensemble pour essayer de s'en sortir. Bah, j'espère bien qu'on va s'en sortir. Enfin, vous êtes là depuis je sais pas combien d'années. Vous inquiétez pas. À savoir que oui, effectivement, je suis à l'origine de ce. Pardon. Une certaine science occulte et j'ai procédé à une expérience pour essayer de franchir des portails, un portail interdimensionnel. Naturellement. Moi-même, pour procéder à des expériences, je suis scientifique. Vous avez fait ça sur le wagon en marche avec des gens à l'intérieur? Bien sûr. Je teste d'ouvrir un portail. C'était mon expérience. Maintenant, j'avoue que j'ai dû quelque peu me tromper dans mes calculs parce que je pensais que ça ne devait pas aller aussi loin. Je pensais simplement ouvrir un portail et me retrouver autre part, mais pas dans une dimension. Et tous les gens que vous avez emmenés avec vous Pourquoi ils sont comme ça et pas vous? Déjà, très bonne question. Écoutez, je pense que tout simplement, ce qui prévaut dans ce genre de dimension est la force spirituelle, la force psychologique. Et que étant donné que je suis un scientifique de l'occulte, j'ai une forte, une forte présence psychologique, si je puis dire, hein, un pouvoir qui me permet de tenir plus longtemps. Et donc ces gens, malheureusement, ont sombré dans la folie et de votre faute. Hein. Posséderiez-vous quelque étude votre expérience Bibliothèque magique, nulle part peut-être? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Avez-vous des études là, écrites quelque part, des pensées couchées par papier? Oh non, tout est dans ma tête. Et votre tête? C'est génial. Hein. Mais j'ai la solution pour sortir. Alors pourquoi sommes-nous encore là? Seulement, j'ai besoin d'aide pour cela et je pense que vous êtes les bienvenus, mais avant cela, il faut procéder à. Et on est les seules personnes à être venues. Vous n'avez pas eu d'autres visites. Oui, effectivement. Emilio, dis-moi que c'est un rêve. dis-moi qu'on est en train de rêver sous. Tu m'as drogué. Non, c'est pas possible. Je te fous une baffe. Alors, tu t'es réveillé? Non. T'as mis quoi dans mon verre, là? Il y avait quoi dans le bonbon? Mais je touche pas à ton verre, moi! Tu joues pas au verre des Américains. Vous me faites un jet de toc, s'il vous plaît. Vous voyez derrière lui. Nelson, qu'est-ce qu'il y avait dans le bourbon? Allez, un jet de toc. Du jus de vierge. Vin. Waouh. Ah bah non, le vin c'était pas moi. 59. Yes. C'est une réussite, quand même. Voilà, fait. 59. Bon, y'a que moi qui échoue. Oui, parce que je suis occupé à foutre une baffe. Parce que voilà, t'avais pas qu'à battre. Catherine. Oui. Nelson et Peter. Vous voyez en fait littéralement derrière Randolph, Alexis, une rangée de sièges derrière. En vous décalant un petit peu, des habits, en fait, des vêtements lacérés. Et des os rongés. Non. Et je vais le frapper. Vous apercevez également. Milou, arrête de manger. Une petite montre à goûter posée sur le sol. Et nous arrêterons là. Juste à quelle heure? Je vais pas perdre de poids. Chut, chut.